Les gens ont tendance à dire comme ah, la bass, c'est tellement bon, moi je mets beaucoup de bass. Puis là, après ça, t'écoutes leur setup de son, pis c'est genre. Ouais. Comme si t'étais en dehors du char. Nous sommes le jeudi 23 juillet 2020. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 283. Je suis Narf. Je suis Blob. Je suis Anne-Marie. Je suis Camille. Hey. Ah, on l'a eu ce coup-là? Oui. T'es-tu oh, beau, là? Ça a pas gelé de mon temps. Yeah. Wow. Prix ouais. Nobel de la vie. Félicitations. Là, j'hésite, là. Là, j'hésite à ouvrir la boîte de Pandore. Je pense qu'on devrait y aller, parce qu'au pire, on va juste parler de ça tout l'épisode. Attends. T'as pas la même boîte de Pandore que moi. Je sais pas. Ah. C'est de quelle boîte de Pandore que tu parlais, là? Ben, de Oublette, ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ah, c'est ce que moi, je parlais de la bouffe et du nouveau système de classification. Mais effectivement, on est peut-être mieux de pas commencer avec ça. Je sais pas, on peut garder ça pour le Discord. On a-tu vraiment de quoi à dire? Au moins, t'as des hot takes ou quelque chose. Moi, le système, il est clair. Je me fie au système. J'ai pas de hot take maintenant. Mais là, il faut partager la bonne nouvelle. Là. Faut en parler dans le podcast. Ça fait 5 ans qu'on parle de bouffe pis qu'on s'ostine à savoir si des hot dogs, c'est des sandwichs pis si je sais plus quoi. Une lasagne, c'est un gâteau. Des céréales, c'est un smoothie. De la soupe, non, c'est quoi donc? Il y a tout, des céréales. Il y a tout un affaire des liquides aussi qui n'est pas inclus dans cette règle-là, par exemple. Ouais, non, effectivement. Là, non, il l'a. Cube avec le top. Si tu prends le cube, tu enlèves le top. T'as salade et soupe qui est inclus là-dedans. Mais il faut que ce soit dans un bread bowl. Parce que l'idée, c'est que c'est le féculent. Ok, mais dans tes exemples, il est écrit soupe salade. Je sais, j'ai in bread bowl. In a bread bowl. Le système de classification, c'est sandwich ou salade. Puis là, c'était rendu comme trop compliqué pour sa vraie forme pure qui est sandwich ou salade. Mm. C'était juste deux catégories. C'est plus facile à processer. T'as pas besoin d'avoir un graphique devant toi. Puis là, il faut que tu classes toute la nourriture entre sandwich ou salade. Et puis je te jure, tout se classe entre sandwich ou salade. Un popsicle? Wow. C'est une salade. Moi, j'aime vraiment un steak tout seul sur le comptoir, c'est une salade. Ouais. Ah, c'est vrai, la classification, c'est parce que salade, c'est zéro starch. Ah ouais, c'est vrai. Tandis que non, soupe dans un bread bowl, là, c'est les cinq côtés. Soupe pas dans un bread bowl, c'est une salade. Ok, oui. Ouais, je ça dépend, parce que si c'est dans un bread bowl, ça peut quasiment être un sandwich, genre un open-face sandwich. Fait que ça dépend contexte. Selon la loi du cube, ça c'est une face du cube, le open-face sandwich. Tandis que là, dans un bol en pain, c'est cinq faces du cube. Ouais, selon ta classification, mais s'il faut que tu classifies salade ou sandwich, si t'es dans un bread bowl, c'est ambigu. Un sandwich. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Ça peut être un taco aussi si tu les foires, tu sais. OK. Là, on va expliquer, là, parce que là, j'ai l'impression que personne va nous suivre si on n'explique pas un petit peu. Je savais que j'aurais pas dû parler de ça. Ah. Alors, imaginez un cube, OK? Si t'as juste la face du dessous, puis là, c'est un système de classification. C'est quoi starch en français? Les féculents. Les féculents. C'est où sont les féculents dans ton repas? Hey, mais ça veut dire que le bol de patates. En tout cas, on en reviendra. Ben, littéral, ça veut dire comme amidon, mais ce qu'on entend par là, c'est des féculents. C'est du pain, en fait. Ouais. C'est le pain. Ben, je veux dire, dans la lasagne, y a pas de pain, là. On voudrait dire un féculent avec un rôle de support, un rôle structurel. Mais c'est ça, on peut pas dire juste du pain. Dans un taco aussi, il n'y a pas de pain. Ok. Dans un sushi, il n'y a pas de pain. Il y a du riz. Le riz agit comme étant le... Okay. C'est ça. Ça prend féculent. Un féculent avec un rôle structurel. Fait que dans la patate pilée, il n'y a pas de structure. Ah, avec un rôle structurel, j'aime ça. Avec rôle structurel, ok. C'est pour ça qu'une assiette avec genre des patates pilées dans un coin puis des légumes dans un autre coin, puis ça marche pas, il n'y a pas de structure. Ah, je comprends. Ben, ouais, ça, faudrait que la patate parle. Soit dure pour qu'elle tienne les choses ensemble. C'est une salade. Ouais. Bon, alors, fait que si c'est la face du cul, si t'as juste une face, donc le cul, la partie d'en bas, ça c'est une toast. C'est comme une tranche de pain, tu mets de la confiture dessus, c'est une toast. Mais donc, selon cette classification-là, ça inclurait aussi une pizza. Une pizza, c'est une toast. Un nigiri. Un sushi nigiri, que c'est genre comme une boulette de riz avec un poisson par-dessus. Ça, c'est une toast. Ou une tarte qui a pas de dessus. Une pointe de tarte qui a pas de dessus. Ça, c'est une toast. Ça, j'ai de la misère. Parce que si un dessus, ça devient un sandwich. Ouais, c'est ça. Puis j'ai de la misère avec... Parce que la quiche est marquée dans celle qui a tous les côtés sauf le dessus. J'ai de la misère à ce que la tarte, elle soit pas là-dedans aussi. Je trouve qu'à cause de l'angle... Juste la pointe de tarte. Quand tu prends la tarte au complet, là, c'est une quiche. Ah, oh, OK. Une pointe de tarte, c'est un sandwich. Ben oui. Non, c'est un taco. Non, c'est un taco. C'est un taco, c'est cool. Parce que le point... Le... Mais s'il n'est pas coupé, connecté. C'est un calze... non, mais la tarte, s'il n'est pas coupé, c'est un calzone. Ouais. Puis il y a l'autre dessus, attendez. Là. Attendez, là, une étape à la fois. Fait que là, la prochaine étape, deux côtés, c'est un sandwich. Opposé. Deux côtés opposés. Deux côtés opposés, ça, c'est un sandwich. Ça devrait être assez clair. Ça mais là, tu sais. Je sais pas comment il y a de couches aussi, là. Ben, ça, ouais, ça, moi, ouais, par contre, je vais. Là, commence pas à mêler les affaires. On va y aller avec la. Ça, c'est... Blob, c'est une autre école de pensée, ça. Là, c'est le système de classification par le cube. Tu sais. Nous, on apprenait à l'école que les systèmes de classification, les modèles, Anne-Marie, je suis sûr qu'elle va, puis Blob, en fait, vous allez savoir ça plus que moi, comme un modèle, c'est bon pour expliquer des affaires, mais à un moment donné, il ne peut pas tout inclure, la complexité, parce que sinon, ça, c'est la vraie vie. Puis là, ben, pourquoi tu veux faire un modèle pour simplifier la vraie vie puis la comprendre? Fait que, donc, le sandwich, ça va. Puis là, si vous vous rappelez, là, les fans de longue date du podcast vont se rappeler de toutes nos argumentations infernales sur les hot dogs. Comme un hot dog, c'est un sandwich, vu que c'est comme une tranche de pain pliée en deux, c'est plus comme une tartine. Mais là, eux autres sont wise, parce que là, ils arrivent avec la classification à trois côtés. Les trois côtés du cube, c'est un taco. Fait qu'un hot dog, c'est un taco. Parce qu'il y a trois côtés. Puis un sous-marin, mettons. Un sous-marin, ça, c'est un taco aussi. À cause après, de des fois, ils pètent les deux. Comme quand les pains sont pas joints un avec l'autre. Ah non, ça, c'est un sandwich. Ça, c'est ça. Ouais. Fait que le sous-marin, s'il est tranché all the way, c'est un sandwich. Mais s'il est pas tranché all the way puis que c'est encore un sous-marin, là, ça, c'est un taco. C'est important là, de conserver la fluidité des aliments. Fait que si ton sous-marin, il commence, qu'il est uni, c'est un taco, mais s'il rouvre en le mangeant, ça devient un sandwich. Là, c'est fluide. Non, ouais. C'est comme la pizza qu'on coupe. La tarte, excuse. La oui, tarte qu'on coupe, qui commence comme un calzone. Puis qui finit comme un taco. D'autres exemples de tacos. Bon, t'as le club sandwich. Le sous-marin. Le hot dog et une pointe de tarte. Parce qu'une pointe de tarte qui a deux épaisseurs, qui a une croûte sur le dessus, ben là, comme ça fait un C, en fait. C'est comme t'as le dessus, la côté, puis le dessous, c'est un C. C'est un taco. Fait que là, fait qu'une pointe de tarte, c'est un taco. Fait que là, c'est là qu'il faut faire attention parce que dessus, ça, c'est une toast. Là, attention. Ouais. Après ça, quatre côtés. Si c'est enrobé tout le tour, mais pas ses extrémités. Là, ça, c'est un sushi. Selon cette classification. Ça, il aurait pu dire rap, là, mais c'est juste plus trigger de dire un sushi, là. C'est le plus drôle. Ouais, c'est juste pour trigger le reste du monde, là. Fait que, ben, un rap, c'est un sushi ou un sushi, c'est un rap? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Fait que ça inclut... Bon, un falafel wrap ou un enchilada. Wrap, c'est un synonyme, c'est juste la communauté scientifique préfère le terme sushi pour, rester constant dans la littérature. Un wrap, c'est comme, tu sais, c'est en anglais, c'est pas raffiné. Mm-hmm. C'est comme, ouais. Puis le morceau de saucisse enrobé de pain de Pittsburgh, là, les croissants Pittsburgh. Je sais pas si ça a un nom scientifique, cette affaire-là. Nous, c'était des Pittsburgh avec une saucisse dedans. Ça, c'est un saucisse sushi. Dans pâte. Bon. Là, on arrive... Là, on arrive à 5 côtés. Bon, là, 5 côtés, moi, personnellement, je trouve qu'on rentre un peu dans le domaine de l'exception. Comme d'un cas particulier. C'est comme ça, c'est un peu rare. Ouais, t'as tout ton club sauf le dessus. Ça, c'est... C'est ça. C'est tout sauf le dessus ou peut-être le côté selon les options. Hein. Ouais, fait qu'il donne un exemple. Une soupe dans un bol en pain. Tu sais, un bol en pain que tu mets de la salade ou de la soupe dedans. Ça c'est une... Mais la catégorie, c'est quiche. Une quiche. Ouais. Un cheesecake. Bon, je avec sais pas, les croûte. Cheesecakes, c'est-tu vraiment comme ça? Ben, c'est parce que la croûte est pas tout le temps autour, là. Mais là, c'est un cheesecake avec une dépend. Croûte autour, là. Ouais. C'est un cheesecake croûte tout le tour. Fait que là, ça, c'est puis un cheesecake. Par contre, le on cheesecake rappelle. A le potentiel d'être un sang, d'être une toast. Oui, ouais, il peut devenir une toast. Ah oui. Moi, je fais mes cheesecakes en toast. Ah, ok. C'est moins gossant, puis c'est moins de croûte. Le pita falafel, je trouve que c'est un bon exemple. Ouais, ça, je trouve parce que c'est ça fait comme un bol, puis là, tu mets... Tu sais, ton pita, il fait comme un bol, il est fermé sur le dessous. C'est pas comme un wrap qui est ouvert sur le fond. Mm-hmm. Y'a-tu une patate farcie dans leur... Ah, ça aurait été bon, ça. Une patate farcie, ça serait une quiche. Ouais, oh, bon, c'est ça. Bon, ça! Il faut qu'elle soit bien creusée. Parce que si tu le fais, tu sais, comme zucchini, ou est-ce que t'as pas creusé assez, ça reste une toast. Ouais. C'est pas fou, ça. Ouais. Mais de toute façon, zucchini, c'est pas un féculent, fait que c'est une salade. D'arriver ouais, aussi... Ouais, j'imagine. Avant d'arriver... Les zucchinis, un rose structurel, ça serait bon s'il y avait une exception, mais je peux comprendre que c'est un débat pour un autre. Ouais, c'est la version attendez, low là. Carb. On peut dire la version low carb. Le zucchini, c'est ça. Le zucchini, c'est pas un féculent, là. Mm-hmm. Ouais. C'est ben, comme je vais les le wraps faire avec de la laitue, c'est toutes des salades. Oh, un zucchini pané! Ah, un zucchini pané! Ah, oh, du tempura, c'est des calzones. Puis des chicken nuggets oui, aussi. Tout qu'est-ce qui ressemble à des croquettes, ça devient instantanément des calzones. Ouais. Et là, on arrive justement... À moins avant que ça d'arriver pas un rôle structurel, par exemple. Un peu. Ouais, ben là, oui, quand même. Hey, c'est ton chicken nugget qui tient la panure et non le contraire. Tandis que ben la non, calzone, parce que sinon, ça va te tromper. Pourrais manger... Et non, si tu croques la moitié de ton chicken nugget puis tu le tiens par la panure puis tu le vires à l'envers, le chicken, il reste dedans. Mais c'est pour ça que je dis que la structure, c'est le poulet et non la panure. Tandis que si tu ouvres ton calzone, puis tu le dompes la tête en bas, tout va sacrer le camp. Parce que la structure, c'est la pâte. Oh, tabarnak. C'est un féculent. Fait que c'est une pas salade. Un féculent, c'est du le chocolat. Le bol de glosette, c'est une salade. Oh mon Dieu, j'ai tellement chaud. C'est vraiment drôle donc cette les, conversation. Si vous avez pas suivi là, les calzones, c'est les 6 côtés du cube. Je pense qu'on l'a comme pas dit. Là, le, oui. On essayait d'y arriver, mais on n'était pas capable. Mais non. C'est ça. Là. Fait que 6 côtés du cube, là, c'est un calzone. Et là, ça inclut une Pop-Tart, un dumpling. Moi, je pense que ça inclut aussi la croquette de poulet. Là. Ouais, je sais pas. C'est oui, parce le que tu peux la tenir par la panure, puis le poulet, il va pas sortir. Il est comme vraiment pogné avec son bien. Tiens juste par la panure, le poulet, il tombe pas. La panure, elle le tient quand même. Tu peux pas le tenir juste par la panure. Ben, tu le tiens par le bout, mettons. Là. OK. Bon. Il faut que le féculent soit structurel là-dedans. Ben, c'est ça qu'on disait, là, je sais pas, là. Ça a été lancé peut-être un peu à la va-vite, parce que je pense que ça dépend de ce qu'il y a dedans. S'il est collant, ça va maintenir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais effectivement, t'as un beau calzone, il va tenir le temps qu'il est pas coupé, mais aussitôt que tu le coupes... Ben, de toute façon, si tu coupes un calzone, ça devient une quiche, fait que... C'est vrai. Si tu partages ton calzone à deux, là, ça devient deux pita. Ouais. Dès la première bouchée, ça devient une quiche. Ah, c'est pour ça que dans la photo, genre, il y a une espèce de pizza pochette, puis il est marqué dessus, faut pas qu'il y ait de boucher pris dedans. Sinon, ça marche plus. Il donne aussi l'exemple d'un dumpling. Mm-hmm. Les dumplings, c'est un... Mais là, si t'en as plein, c'est un bol rempli de dumplings, c'est une salade? C'est une salade de calzone? Oui. Mais, avec ça. Ok, mais là, si tu parles de salade, c'est ça. Moi, j'ai toujours utilisé un système de classification simplifié qui est juste classe entre est-ce que c'est un sandwich ou une salade. Puis vous seriez surpris à quel point vous pouvez classer d'affaires là-dedans. Puis ça fait un vraiment bon sujet de conversation dans le party. Mais j'ai l'impression que ça devient juste est-ce que bon, ça devient juste comme est-ce qu'il y a du pain ou pas. Ben non, parce que. Non, ben, entre autres, c'est ça, on parlait tantôt comme ce qui est végétarien, dans le fond, le zucchini loadé, là, ce serait un sandwich, tu sais. Ok, si, là, toi, t'es dans une classification qui est pas basée sur le pain, elle est pas bread-based. C'est pas basé sur le pain, c'est structurel, puis c'est plus basé sur ton feeling intérieur sur la nourriture. Okay. Tu peux avoir tes désagréments. Ouais. Sinon, t'écoles de pensée, en fait, ouais. C'est ça. Ouais. La classification basée sur le pain, on devrait probablement dire que c'est glutarchique. Oh oui! Ben oh, là, oui. Pas si c'est du pain sans gluten. Ben, comme... dans glutarchique, il y a la partie arche qui est comme starch. Ah, ok. Parce que okay, sinon, j'allais dire ton sushi nigiri, là, que c'est juste du riz, il n'y a pas de gluten là-dedans. Là. Non, effectivement. C'est pas un terme parfait. Qui est dans classification binaire, là, exemple, une salade qui peut inclure du pain. Un pudding au pain, c'est une salade, c'est pas un sandwich. Mm. Ah, ben c'est sûr. Ok. C'est ou une salade avec des croutons. Une salade avec des croutons, si t'as beaucoup de croutons, ça pourrait être un sandwich. T'sais. Tantôt, t'as sorti un bon exemple dans le chat. C'était quoi? C'était comme l'espèce de dessert avec des morceaux de pain dedans. Là. Une bagatelle. Ah, oui. Une bagatelle, c'est une salade. Faut lui que j'aille chercher c'était quoi que ça voulait dire. C'est tellement bon. Donc, une bagatelle ne rentre pas vraiment dans la catégorie parce que c'est plus comme une salade avec des morceaux de pain dedans. Tu vas manger ça avec une cuillère ou une fourchette, là, tu manges pas ça avec tes mains. Hein? Ouais. Comme du tiramisu aussi, je pense. Si je comprends bien, oui. C'est ça, un sandwich, ça prend une composante de directionnalité. Il faut qu'il y ait comme un plan, quelque part. Mais ça veut-tu dire qu'un cocktail étagé, à cause des couches, on peut dire qu'il y a un plan puis une directionnalité? Mon feeling personnel, c'est que ce serait une salade, mais... Ah là, tu veux dire la trempette étagée, mais un coup que t'apprends que ton nacho, c'est probablement un sandwich. Ouais, c'est vrai. Parce que la composante, c'est ça, de mettre les affaires en plan avec une direction, ça... Ça suggère le sandwich, mais à cause de la fluidité des ingrédients choisis, c'est difficile de le conserver dans son état. Fait que c'est peut-être un peu comme un cristal liquide, ou est-ce qu'il y a les propriétés des deux? Mais ça dépend à quel moment. Ouais. Ça dépend à quel moment tu l'observes. C'est comme toute la matière dans l'univers. T'sais. Ça dépend dans quelles circonstances tu l'observes, c'est pas nécessairement la même chose. C'est un compliqué. Sandwich quantique? Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est pas si simple. On peut en plus des exceptions toute la soirée. Là. L'important, c'est d'avoir un espèce de fil directeur pour comme tracer la ligne. Ouais, un modèle peut avoir des exceptions, me semble, quand même. Mais c'est ça, c'est que l'intervention du mangeur vient changer l'état de la matière. C'est quand même important. Oui. Ben, j'aime que, en fait... Si je regarde les trucs, parce que Anne-Marie, tu nous as envoyé beaucoup de screenshots, là, c'était vraiment bien envoyé. On te remercie d'ailleurs énormément, là, parce que comme cette trouvaille était parfaite. Ah ouais, j'étais trop. J'ai vu passer dans une espèce de long post, tu sais, les posts qui sont faits sur le long puis qui sont faits pour Nine Gag, puis j'étais comme pas capable de. Genre, la qualité était pas assez bonne, je pouvais pas zoomer pour avoir comme la bonne affaire. Fait que genre, j'ai juste comme frénétiquement cherché sur Google pour essayer de trouver cette chose magique qui est de Cube Rule of Food. Ça, c'est là que ça m'a amené vers tous les screenshots. Est-ce que. Quelqu'un a pris le temps de faire ça, c'est ça qui est merveilleux. Ah ouais, non, c'est bien organisé avec des exemples imagés pis tout. Mm-hmm. Et puis là, ce que je vois, en fait, c'est qu'on a oublié, mais il y a comme aussi, tu sais, notre cube, là, il y a aussi le zéro côté. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est les salades. Fait que la catégorie Camille, tu sais, tu parles de salade depuis tantôt, en fait, c'est une catégorie. Et là, ce que j'adore, c'est que les exemples de salade, c'est des patates pilées, du riz frit et un steak. Mais en fait, moi, là, les discussions que vous avez eues tantôt, j'avais envie de rajouter une autre catégorie parce que, tu sais, on expliquait que, mettons, un gâteau avec des fruits séchés dedans, ou genre du riz frit, ou tu sais, il y aurait comme la catégorie que le féculent est partout, mais il y a des morceaux d'autres choses dedans. Exact. Moi, c'est ça que je voulais rajouter parce que je trouvais que le modèle manquait cette étape cruciale. Fait que c'est comme le modèle de Rutherford et le modèle de Bohr. Ils ont fusionné ensemble qui donne le modèle Rutherford-Bohr pour le modèle atomique. C'est la seule affaire que je me souviens. Je me souviens même plus c'est quoi. Mais comme j'ai retenu mes cours de chimie. C'est d'ailleurs comme un modèle délicieux à cause des raisins. Il y avait le pain au raisin, le biscuit au raisin. Ça, je me souviens que les profs, ils nous parlaient tout le temps de ça. Et là, c'est pour ça. Moi, je veux rajouter mon étape. Fait que ça va être le modèle. Je sais pas qui a inventé ce modèle-là. Puis là, il va falloir rajouter mon nom dedans. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà pensé. C'est le cube. Si c'est plus, on parle plus des côtés. On parle que tout. Tu sais, comme, mettons, tu prends juste une tranche de pain. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un gâteau. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est le modèle gâteau. All right. Fait que, ben, attends, j'avais dit, c'est parce que j'ai... Ou le modèle riz frit, ouais. Fait que comme un riz frit, c'est plein de riz. Fait que le riz, ce serait pas vraiment une salade, parce que c'est juste... Fait que ça serait plus comme un gâteau. Le problème... Ouais, fait qu'un biscuit, mettons. Mettons un biscuit au chocolat ou juste un biscuit. Parce que si c'est juste... Non, chip-it. Ça marche pas. S'il est étagé, si c'est un Oreo, ça, c'est un sandwich. Mais un biscuit comme au chip-it, mettons, ça c'est un gâteau. Ben, tu sais, on pourrait appeler ça le modèle biscuit. Fait que, tu sais, comme une tranche de pain, ça serait un biscuit. Un gâteau, ça serait un biscuit. Mais quand on parle de gâteau, là, c'est bien important qu'on parle bien d'un gâteau à un seul étage. Parce que dès que le gâteau a deux étages, là, on s'est rendu... un sandwich. Okay, je pense que je suis pas d'accord. Okay. Parce que si t'as un gâteau à un seul étage, ça se rapproche dangereusement de la toast, pas de garniture. Ah, mais là, c'est sûr que c'est un gâteau comme... Tu sais, les gâteaux éponges avec les fruits frais dessus, là, c'est nécessairement une toast. C'est sûr. Ah oui, ben oui. Non, moi, je parle genre... Le biscuit aux pépites de chocolat, c'est une toast pain au raisin, là. Le pain au raisin, si tu le grilles, c'est une toast quand même. Ah, fait que peut-être... OK, toi, tu le verrais comme ça. Fait que tout ce qui est comme juste une tranche de pain... Un morceau de féculent avec des affaires dedans, ça reste une toast. Fait que ça serait une toast. Ah, oh, c'est intéressant. OK, c'est intéressant. Ça Mais là, le ça riz fait frit... que mon addendum est pas... Ben, le riz frit, ça serait une toast. Mais les autres, ils l'ont mis dans la salade. Ben oui, mais je pense que c'est une grossière erreur. Oh, OK. Dans le fond, les patates pilées seraient une toast. Ça, je trouve, ça fait plus de sens, par exemple. Parce que c'est les patates pilées seraient une toast. Ouais. Mais c'est le riz frit, je comprends, il y a des légumes, il y a des crevettes, tu sais. Mais les patates pilées, il n'y a rien d'autre. Fait que ça, je comprends que c'est une toast. Encore là, c'est peut-être une question de structure ou de directionnalité. Exact, j'allais dire la même chose. C'est le manque de directionnalité. S'il n'y a pas de structure, c'est une salade. Mais vous voyez la patate pilée comme une entité, mais moi je vois la patate pilée comme une multitude de petits morceaux de patate. Non, c'est une salade. Fait que c'est. Selon moi, c'est plus salade. Okay. Ça dépend si tu l'aimes avec des petits mottons ou si tu l'aimes comme extra crémeuse que t'as l'impression de manger de la pâte. Plus de mottons. Alors là, c'est une soupe. Ouais, mais l'affaire, c'est que les interactions intermoléculaires à cause du lait puis du beurre sont tellement importantes que c'est difficile de vraiment différencier les morceaux. Oh là, on rentre pas les émulsions là-dedans, là. Non. Mais donc les smoothies, c'est des émulsions? Ouais, ben ça veut dire que les smoothies puis les patates pilées, c'est des mayonnaise. Oui, c'est ça. Non, mais je sais pas dans le smoothie, parce qu'il y a vraiment une interaction moléculaire spéciale là, qui fait les émulsions. Là. Fait que... Oh, tu penses? Ben, le smoothie est pas obligatoirement dans cette... Ouais, c'est comme une émulsion, c'est comme une suspension de gouttelettes dans un milieu. Là. Comme du beurre? Non, comme de la mayonnaise. Comme de la mayo, hein. OK. Comme de la vinaigrette. Comme... La mayonnaise, il y a jamais de féculent là-dedans. Là. Il y a jamais de féculent dans une émulsion. Là. Non, non, non, fait mais que... là, on classifie des liquides. Non, mais là, je suis en train de me poser la question, mettons, du beurre, de la crème, de la margarine, la un crème, smoothie, ouais. Tout ça, ça. Je pense que selon le modèle actuel, le modèle du cube, là, tout ça rentrerait comme dans la catégorie salade, genre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de pain. Ouais, mais tu manges pas ça de même, du beurre. Ouais, mais comme... Tant qu'il y a un petit peu comme du tofu, mettons. Un cube ouais, de tofu. Ça, là, on parle plus comme d'un repas, genre. Je pense que le modèle s'applique plus à quelque chose que tu vas manger puis qui est prêt à manger et non d'un ingrédient okay. Primordial. Ah, fait que là, on revient encore aux recettes à un seul ingrédient. À ce débat-là oui, de l'autre je suis toujours fois. Pas d'accord que c'est une recette, là. Non. Hey, des cubes de glace, c'est pas une recette. Il y a un... Je sais pas si j'en ai parlé au podcast. Je pense que Camille faisait pas partie de ce débat-là, fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Camille, mais moi, je pense que fermement... Okay, ben moi, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'ai reçu mon frigo, dans les instructions, il y avait les instructions pour faire de la glace. Ah, OK. Mais des instructions, mais pas une recette, tu sais. Ouais, mais je trouve que recette et instruction, c'est la même chose. Donc, mon frigo venait avec la recette pour faire de la glace. Moi, si ça demande des étapes de préparation, ça devient un repas. Mais là, tout demande des étapes de préparation dans la vie, là. Non? Ben, pas un ingrédient pur comme ça, genre. Okay. Je peux te faire une recette pour un verre d'eau, là. T'as quand même un matériel et méthode. Ben c'est ça, moi je pense à tout mon travail, puis je suis comme, c'est pas des recettes que je fais, là. Mais j'imagine que ça peut être débattu. C'est juste parce que vous les mangez pas encore. Alright, d'abord. Parce qu'un popsicle, c'est juste... Ah oh non, il y a de l'eau, puis du sucre, puis des colorants, puis des trucs de même. Ouais, faut okay. Legit que tu mélanges quoi, là. Je suis plus d'accord avec un popsicle, là. Bref. Je suis content qu'on ait eu cette conversation-là. Ah oui, non, attendez, je voulais dire une petite dernière affaire. Les recettes à un ingrédient. Parce que là, j'écoutais le podcast de Tu me niaises, là. Puis là, l'autre fois, ils ont parlé que G, il aime ça, les recettes à un seul ingrédient. Il voulait écrire un livre de recettes à un seul ingrédient parce qu'il y a une recette d'oignon. Que c'est genre, prends un oignon, je pense que tu l'enveloppes dans le papier d'aluminium puis tu le mets dans le barbecue pendant longtemps. Ou dans le four, en tout cas. Il n'y a ça même pas d'huile, pas de sel, pas de poivre. Un oignon. Tu le défais. Tu l'épluches même pas. Il doit s'attendre. Ah, oh, tu l'épluches pas. Ouais, il doit s'attendrir, c'est ça. Puis il colle pas parce c'est que qu'il tu devient pas, complètement genre. En espèce de bouette juteuse. Fait que quand tu le sers, il caramélise, c'est ça l'affaire. Ouais. Fait que quand tu le sers, je pense que là, tu l'épluches ou tu le coupes en deux. Mais même là, je pense que tu ça devient manger. Assez liquide que tu pourras pas vraiment le couper en deux. Puis là, tu veux juste manger à pleurer parce que rendu là. Avec de l'ail aussi, c'est vraiment bon. Mm-hmm. Ouais, quelqu'un m'a dit ça. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ça serait une bonne idée parce que comme juste avant que le confinement, donc juste avant que mon frère quitte, il s'est acheté comme une... Comment t'appelles ça? Un chapelet de gousses d'ail. On en passe deux par année chez nous. Deux chapelets? Ouais. J'ai même pas fini une gousse d'ail du chapelet. Ça fait depuis mars. Mais ils se gardent bien longtemps, il me semble. Moi, je perds mon ail après une couple de mois. Hein. Ben, c'est ça, mais ceux qui sont tressés, là, puis particulièrement si tu l'achètes, mettons, au marché Jean Talon, puis comme, tu sais, comme... Ils sont frais. Pas quelque chose qui a pris de la poussière à l'épicerie, là. Mais si tu l'achètes au marché Jean Talon, ça dure un an, une tresse, s'il est gardé pas trop au soleil, tu sais, au frais, pas de lumière, là. Oh. Ça se garde vraiment longtemps en tresse. Frigo? Non. Non. C'est juste c'est dans mon garde-manger, là. OK, c'est ça que je fais. Dans une armoire fermée que j'ouvre pas souvent. Je t'enverrai des recettes. T'aimes-tu les tomates, Nof? Oui. Il y a une recette, là, des tomates de l'ail, un peu d'huile, du miel dans une poêle, là. Ouais. Bon. Ça, je considère ça comme une recette à un ingrédient, parce que pour moi, les épices, puis les assaisonnements, puis comme, tu sais, ail, etc., ça compte pas comme un ingrédient. Fait que cette recette-là, c'est des tomates, puis... des affaires que t'as qui traînent dans ton garde-manger. Je sais pas, parce que là, t'es obligé de le trancher, puis t'es obligé de l'éplucher, puis c'est comme plus de travail que de prendre de l'ail moulu dans ton armoire, genre. Je comprends. Mais ça, c'est peut-être juste moi qui ai lâche. Fait que Tout ça pour dire un énorme merci à Anne-Marie pour cette découverte. Pour avoir pris le temps de nous partager ça. Ça nous a occupé toute la journée. Clairement. Genre, je vois encore ton premier message et l'excitation de cette trouvaille. C'est comme, tu viens de résoudre comme des années du podcast, là. C'est comme, enfin, on a un modèle. On va pouvoir enfin avoir un système de classification. Si on pouvait seulement maintenant en avoir un pour les jeux vidéo. Oh, autre que d'appeler ça des walking simulator, come on. C'est qu'on peut en faire un, là. The walking simulator, genre. Ah oh, ouais. Attends, okay. Tu vois ça sur une ligne? Sur une ligne? Ouais, c'est avec la directionnalité, là. Attends un peu, là. Je vais moi y penser. Fait que pendant que tu y penses, là, on pourrait embarquer sur le sujet qu'on voulait vraiment commencer avec. Oui. Et là, ça fait 45 minutes qu'on parle de bouffe. C'était donc la fin du segment bouffe. On a toutes... Ah non, on n'a pas toutes. Désolé, Blob. Ah non, mais on c'est correct que ça... Blob, alors, c'est on a toutes... Ah non, attends. Je vais trouver non, je vais trouver une manière de t'inclure, Blob. M'inquiète pas, là. Nous avons tous acheté Oublette. Wow, c'est vrai. Ah ouais. On a tous acheté Oublette. Hey, quatre personnes, pour une fois qu'on va pouvoir parler d'un sujet commun, on va pouvoir parler de notre expérience à avoir acheté Oublette. En plus, c'est pas rien, là. On joue à jamais rien de récent, mais là, on joue à quelque chose qui est même pas encore sorti. Damn! Mm-hmm, c'est vrai. C'est vrai. Des vrais journalistes. Yeah, aïe aïe. Excusez, là, j'ai comme bu du thé tantôt. Là. Je suis vraiment paquet de nerfs. Je me sens paquet de nerfs vraiment plus que d'habitude. Je vais vous laisser parler de Oublette là, parce que j'ai juste joué un petit peu. Ben moi, je voudrais commencer par toi. Là, parce que vu que tu as joué un peu, comme qu'est-ce que t'en as pensé d'avoir joué un petit peu? Ben, qu'est-ce que tu as réussi à retirer de ton expérience? On dit souvent que genre... Essayer de reviewer des jeux, c'est tellement subjectif. Puis d'essayer de faire ça de manière purement objective, c'est impossible. Puis les journalistes qui disent qu'ils sont capables de le faire, c'est des menteurs. Non, ouais, personne qui est capable de le faire. ou c'est des gens qui se connaissent pas très bien. Mm-hmm. Ma première expérience avec Oublette, comme je l'ai installé, puis, mais il était un peu tard. Puis tu sais, ça a vraiment été le cas de genre, ben il était un peu trop tard. Puis j'ai commencé à jouer, j'ai joué à peu près une demi-heure, 45 minutes. Puis j'étais comme vraiment pas impressionné. J'étais comme, oh, c'est vraiment rough. C'est vraiment pas prêt. T'sais, c'est vraiment early access. Genre, oh, je vais jouer un petit peu, mais je vais probablement pas rejouer tant que ça. Mais heureusement, j'y ai donné une deuxième chance une journée que j'étais moins fatigué. Puis, comme, c'était très jouable finalement. Ouais, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui t'a rebuté au début. Eh, ben, c'est juste, j'étais fatigué. Ok, ok. Il n'y a pas vraiment... Ben, tu sais, comme le début de Oublette, ils te font promener un peu, parler à des bonhommes. T'as pas vraiment des objectifs, tu sais. Le jeu est encore très rigide. Mais ça, quand Stardew Valley, il te dit « Parle aux 23 personnes dans le village », t'es comme « 23? Où ça, 23? » Ça te prend genre une semaine avant de trouver toute la gang. Ça m'a pris comme un ou deux mois. Oh non! Avant de tout mais ça se peut-tu... Mais le jeu te donne d'autres choses à faire en même temps. Ouais. C'est ça. Là, Oublette, ça commence, t'arrives, pis là, c'est genre, ben, va parler à plein de monde. C'est comme, ça fait beaucoup d'introductions de personnages d'une shot. T'sais, mais ils sont pas tous importants. Faut pas que tu penses qu'il faut tout que tu retiennes leur nom, pis... Ben, c'est ça, il aurait pu... Ouais, là, c'est le game designer têteux qui parle, là. qui aime bien ça, parler des onboarding, pis des systèmes de tutorial, pis de first-time user experience, pis tout ça. C'est comme, il aurait pu réduire certains morceaux, puis c'est en early access, fait qu'évidemment, c'est normal. Il aurait pu t'introduire une couple de personnages, te montrer un peu la loupe, te faire jouer, te faire commencer à planter des affaires. Là. C'est comme, ça prend du temps avant que tu commences à rencontrer des Oublettes, faire pousser des affaires dans ton jardin, alors que c'est comme un peu ça le jeu. Fait que le fait que ça prenne 40 minutes avant d'arriver là, c'est peut-être... Tant que ça! Ouais, c'est ça, moi aussi, je suis surprise, genre... Hein? Bon, ben, c'est moi qui ai pas... J'étais vraiment fatigué. Ben ouais! Alright, bon, ben, vois-tu, Parlons pas de cette affaire-là. Après ça, une fois que j'allais bien, j'étais en forme, là, je trouvais des houblettes, puis là, ben, ils commençaient à te donner plusieurs quests en parallèle. Fait que là, tu es comme genre, ah bon, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux trouver des coquillages pour telle affaire? Est-ce que je veux remplir la machine, réparer la machine? Là, ça me prend des branches. Je suis comme, ok, j'ai trouvé où sont les branches, puis là, je cherche des affaires. Fait que je suis juste rendu là, là. J'ai juste joué comme une heure et demie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de quests en parallèle. Ouais, moi aussi, parce que je fais pas disparaître les objectifs à gauche juste pour pouvoir me rappeler qu'est-ce qu'il y a, puis ça prend mon écran au grand complet. Ouais. Oh, ok, moi j'en ai deux, là. Ça, c'est un peu intense. Ben, ça prend pas tant de temps que ça avant que tu levelles une couple de fois, puis le comme, ah, on a aussi besoin de voici 8 affaires à réparer dans le village. Puis là, tu levelas des amitiés, genre, parce que tu deviens ami avec du monde à force de leur parler. Puis là, régulièrement, ces amis-là, ils te demandent de te rapporter, genre, une sorte de légumes pis tout que t'as pas encore fait pousser. Mm-hmm. Fait que tu commences à faire pousser, mais ça prend 5-6 jours à chaque fois que quelqu'un te demande quelque chose. Puis ouais, c'est ça, t'as un côté de l'écran que c'est juste rempli de quests, puis c'est rendu que tu regardes même plus parce qu'il y en a trop. Tu peux le cacher, là? Ouais, ouais, c'est pas supposé déranger tout ton écran parce que tu peux vraiment le cacher, sauf que j'aime pas ça le cacher parce que là, tu sais plus qu'est-ce que tu fais, là. Mm. Moi aussi. Mais en même temps, c'est qu'il y en a tellement que tu ne le regardes plus, fait que t'inquiète, tu pourrais le cacher. Puis, il aurait pu faire juste qu'il en affiche. T'en choisis une qui est à quest active, puis là, quand tu le minimises, au lieu de mettre toutes, il met juste celle-là. Mais même pas côté UI, là, c'est même pas juste l'interface, c'est juste... Tu sais, il pleut des quests... Puis là, à un moment donné, comme il y en a tellement que t'es juste comme, bon, ben, tu sais, si j'en pogne une à un moment donné, j'en pognerai, mais comme, ça devient même plus un but de finir les quests parce qu'il y en a trop. Mais c'est pas ce qu'il donne. Fait que tu peux absolument pas prioriser quel quest tu fais, t'as absolument aucune idée de qu'est-ce que ça va te donner de l'affaire. Je pense que c'est le plus... Ça a été mon gros problème. Parce que, tu sais, on parlait sur Discord cette semaine, puis là, c'est ça, comme Anne-Marie, elle demande comment on fait pour avoir une certaine ressource qui est vraiment rare. Puis moi, j'essaie de donner des trucs avec ce que j'ai. Puis c'est comme, tu sais, fais attention, fais pas ça, parce que ça aussi, c'est encore plus rare, puis tout. Puis là, il y a quelqu'un qui nous suggère, qui est comme, ah, ben, une fois que t'as unlocké telle affaire, tout ça devient plus facile, tu sais. Puis moi, j'avais pas unlocké ça, parce que le NPC qu'il faut que tu aides pour unlocker ça, je l'aime pas. Fait que, vu que c'est un NPC qui était pas aimable, je voulais pas finir sa quest. Parce que c'est un douche. C'est pour ça, Darf. C'est un douche. Mais là, vu que je voulais pas finir cette quest-là parce que je voulais pas y donner des shit à lui, ben là, je me bloquais sans le savoir de le plus le fun du jeu, genre. Parce qu'après après que quelqu'un nous a suggéré ça, je suis comme, ok, je vais la unlocker, cette affaire-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai bien plus de fun dans le jeu. Qui va m'intéresser. Je pense que c'est la première fois que je joue un jeu Early Access, t'sais, autant Early Access, puis que là, j'ai l'impression que je nous écoute parler, j'ai l'impression qu'on va quand même le revisiter au fur et à mesure. Je suis curieux de savoir comment le jeu va évoluer. Parce que... Tu sais, ça peut être facile à régler. Peut-être qu'ils vont juste réécrire un peu les lignes de dialogue du personnage pour le rendre moins douche, en tout cas, surtout au début. Ils vont donner cette quest-là à un autre personnage, puis ils vont prendre le gars douche, puis faire d'autres choses. Ça m'a pas empêché de vouloir le faire juste parce que, comme... Je me disais que le bâtiment était important, là. Mais c'est vrai que le personnage est pas sympathique partout. S'il mettait moins de quests en même temps, genre s'il t'envoyait pas toutes les autres quests tant que t'avais pas comme fait celle-là ou quelque chose, tu sais, comme, tu sais, en avoir une coupe pour avoir quelque chose d'autre à faire si jamais, mais c'est que là, il y en a tellement que ça se noie là-dedans, puis tu le sais pas que c'est important cette affaire-là, parce qu'il y en a plein d'autres. Ouais, je pense que l'importance de ce bâtiment-là est vraiment juste pas mentionnée, là. Ouais. Ça a l'air d'un bâtiment abandonné. C'est comme, oh, on veut faire quelque chose là-dedans, t'es comme cool. Puis moi, ça me donnait le feeling de. Il y en a 5 autres aussi. Center. Hein? Il y en a 5 autres aussi, des bâtiments abandonnés à réparer. Là. Il y a toutes les clubhouses, puis il y a l'espèce de moulin tour d'Internet. Là. Ouais. Fait que tu peux pas prioriser. Puis la vibe que la grange me donnait, c'était comme un peu le community center dans Stardew Valley. Ah. Puis community center dans Stardew Valley. Et... Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite dans ce jeu-là, c'est assumer des affaires de choses que j'avais appris dans Stardew Valley. Ah, ouais, sont toutes avérées fausses. Ouais. C'est... Tu sais, comme ça, mon autre affaire, j'étais comme, voyons, comment on fait pour faire de l'argent, genre, puis là, je vendais mes ingrédients valaient rien. Puis en gros, c'est que dans Stardew Valley, cuisiner, ça sert à comme, ça fait pas d'argent monétairement. Tu perds de l'argent en transformant tes ingrédients en recettes. Fait qu'à cause de ça, ça, c'est mon erreur à moi, personnelle de la vie. J'ai jamais pensé que dans ce jeu-là, peut-être que si je transformais ma carotte en hot dog, oui, tu peux transformer tes carottes en hot dog, si je transformais ma carotte en hot dog, elle vaudrait plus cher que... Mais c'est pas de même dans genre Harvest Moon ou les trucs de crafting. Tu vois, moi, j'ai pas pensé à Zelda. Ça. Dans... Ouais, mais il me semble que c'est comme ça dans la plupart des jeux, comme plus tu transformes, plus ça vaut cher, genre, dans les jeux de crafting. Fait que j'ai pas pensé, mais aussi, ça m'est arrivé dans Stardew Valley de juste, comme, cuisiner un paquet de shit, puis essayer de le vendre, puis de réaliser que je faisais pas une scène. j'ai eu ce problème-là. Ouais. Je trouve que c'est plus Stardew Valley qui est comme pas... c'est pas instinctif, là. Ouais. Mais là, je m'excuse les amis, là, mais on irait dans les détails, là. Ouais. On n'a pas parlé comme du jeu en général. Mais faire de l'argent, puis... c'est comme... Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé du jeu. Puis c'est surtout que, genre, je vous écoute, puis c'est comme... Notre critique à date est assez négative. Ah non! Non! Puis je pense que ça reflète pas votre expérience jusqu'à maintenant. Je danse sur ma chaise non-stop depuis que je joue. C'est juste... Oui. Tellement de bouffée d'air frais, là. Comment t'as dit ça, Camille? Genre, les danses des bonhommes m'apportent la joie? Mais les danses des bonhommes vont jamais pas m'apporter de joie. Ça me faisait penser Ça, c'est un statement, là. Ça, c'est la barre. Là, on a parlé de tous les trucs en bas, là. Maintenant, parlons des trucs en haut, là. C'est quoi qui est bon dans ce jeu-là? C'est cute! Il y a comme... Les combats, c'est que les dance battles, il y a comme une vibe de combat de Pokémon. T'sais, deux équipes sont face à face, puis toi, t'es comme derrière ton équipe de houblettes, comme si t'étais un trainer, t'sais. Mais ça m'a tellement fait penser, parce que... Quand toi, t'as ton équipe de houblettes qui fait le dance battle, ton bonhomme, il danse aussi, tu sais. Puis je me disais, c'est vrai que dans Pokémon, c'est un peu comme... Tu sais, le trainer, il fait rien. Il laisse tous les Pokémon faire toute la job, tu sais. Tandis que là, au moins, ben, tu danses avec les autres, tu fais comme tes encourages, là. Tu participes. Non, dans Pokémon, c'est comme le coach. C'est comme si tu disais que le coach d'une équipe, ils font rien. Mais là aussi, t'es comme le coach, puis quand tu défais l'autre équipe, ben, tu vas leur donner une petite tape sur la tête en disant, ben, t'as fait une belle job, t'sais. C'est si important, là, genre. C'est crucial dans tous les combats, là. C'est bon. Ça serait cool si dans Pokémon, ton trainer, il était en arrière du Pokémon adverse, puis fait des signes secrets à ton Pokémon pour lui dire quoi faire, comme. Comme au baseball. Ouais. Mais c'est drôle, vous avez des liaisons avec Pokémon, puis moi, les dance battles, tu sais, je danse le swing, puis ça avait comme les batailles de houblettes ont juste l'air d'un jam de danse, tu sais. Ah, ouais, c'est vrai. Tout le monde participe aussi, il y a une audience, là. Ouais, ben c'est ça, mais c'est comme, tu sais, pendant la soirée, tout le monde danse partout, sauf qu'une fois de temps en temps, il y a comme une toune particulièrement rapide ou comme quelqu'un qui fait quelque chose de particulièrement nice, puis là, tout le monde se ramasse autour en rond, puis là, on la regarde, on tape des mains, puis là, ben, comme ils vont faire une coupe de stepette, puis après ça, comme ils vont se tasser, puis il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer, tu sais, il y a un autre couple qui va rentrer, puis les gens font ça. Puis, considérant que ça fait des mois que j'ai pas dansé, parce que c'est le confinement... Puis que je m'ennuie de mes amis, puis je m'ennuie de danser, puis j'ai l'impression que je vivrai plus jamais de jam de toute ma vie. Ben, de pouvoir juste avoir comme un petit jam avec des pseudo-Pokémon dans ce jeu-là, ça comble un petit trou, un mini trou, là, c'est rien comparé à une vraie soirée de danse, mais... Moi, c'est ça la référence versus Pokémon auquel j'ai pas joué à part Pokémon Snap. Ben c'est même pas une référence si proche que ça, parce que quand tu fais les dance battles, ce qui décide tes moves, c'est des cartes que tu piges dans un deck, en fait, puis que chaque houblette a des cartes, comme il y a des cartes communes, puis il y a des cartes spéciales à chaque houblette qui sont comme leurs propres habilités, puis tout. Fait que tu sais, c'est complètement différent, là. Mais Narf, tu demandais dans les choses qui vont améliorer, ben comme dans les dance battles, je suis sûre qu'il y a plein d'affaires qui sont très placeholder, comme les animations, puis comme l'effet visuel pour le hype, puis l'effet visuel pour le fluster sont bien, mais les deux ensemble, c'est vraiment lettre. Fait que genre, c'est comme ça, ils vont... Tu sais, c'est ça, il y a des trucs qui sont encore un petit peu placeholder. Ben, ça, puis, tu sais, c'est comme important, comme chaque... J'allais dire chaque Pokémon. Chaque oublette a son set de moves, mettons. Mm-hmm. C'est quand même important de savoir c'est quel move qui va avec quelle oublette, parce que, dépendamment des batailles, à un moment donné, tu vas devenir bon à savoir c'est quelle oublette qui fait quel genre de move pour faire des... pour trouver le bon oublette à battre, à utiliser pour battre un certain oublette. Sauf que, comme Anne-Marie mentionne les placeholders, t'as certaines cartes qui ont encore juste des placeholders de petites notes de musique dessus. Ouais. Puis, vu qu'il y a rien sur la carte, tu sais pas la carte, elle appartient à quelle oublette. Pas les cartes de base? Eh ben non, il y a les cartes de base, mais les cartes de base sont blanches, puis les cartes de oublette sont mauves. Puis les oublettes, les premiers oublettes que tu vas rencontrer, ils ont toutes leurs cartes, ils ont leur face dessus, puis ils ont toutes des petites illustrations sur toutes les cartes. Ils sont mais, cute. Sont fucking cute. Mm-hmm. Mais si tu... Il y a d'autres... Mettons les Pokémon un peu plus... Les Pokémon. Les oublettes un peu plus rares. Les oublettes un peu plus rares ou comme ça que tu vas rencontrer plus tard. Alors, en tout cas, moi, j'en ai une couple. Je sais pas c'est quoi qui a déterminé lesquelles t'as, lesquelles t'as pas. Là. Mais il y en a qui ont pas... Ils ont pas encore d'illustration. Puis là, c'est des placeholders qu'il y a sur leur carte. Mais là, le fait qu'ils ont les mêmes cartes placeholder, les mêmes illustrations placeholder que les cartes génériques, tu penses que c'est des cartes génériques. Puis là, c'est difficile de savoir comme certaines cartes, t'es comme celle-là est vraiment forte, mais je sais pas c'est quelle oublette qui a généré cette carte-là. Ah, c'est étonnant. Puis c'est aussi le fait qu'il y a pas, comme un Pokédex avec toutes leurs attaques, là, avec toutes leurs cartes. Comme, ça, je pense ça, ça va. Ça, il faudrait qu'il l'ait. Ah comme, oui, je suis sûre que ça va venir, là. C'est important. D'avoir un Pokédex avec toutes leurs attaques, puis aussi quand tu es en train, tu sais, comme quand tu commences une bataille, ils vont dire comme, ok, tu vas battre ces oublettes-là, quelle oublette toi tu veux choisir, puis j'aimerais ça, pouvoir voir c'est quoi les habiletés, tu sais, même juste en général, tu sais, mettons dans Pokémon, tu vas être comme, ok, celui-là c'est un Pokémon de feu, celui-là c'est un Pokémon d'eau, tu sais, puis ça te donne une idée pour comme choisir des Pokémon en conséquence, mais oublettes, ce serait cool d'avoir une idée de quel genre de houblette je vais me battre avec, puis quel genre de houblette moi j'ai. Mm-hmm. Puis peut-être, c'est peut-être trop demandé, mais comme quand tu choisis tes bonhommes, tu te donnes une idée de c'est quoi que ton deck va avoir l'air, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Clairement que ça prend ça, là. T'sais, s'ils veulent le moindrement que les gens puissent comme approfondir un peu le... Parce que comme je me suis pas rendue super loin, là, je sais qu'il va y avoir plus de dance battle un coup que t'as la dance barn, j'imagine. Là. Mais ça va devenir plus stratégique, j'imagine. Là. Parce que moi, où est-ce que je suis en ce moment, là, je fais juste cliquer n'importe quel, puis j'ai pas de problème, tu sais. Mais je suis sûre qu'éventuellement, ça va devenir comme plus tricky, là. Ben surtout, oui. Surtout la dance barn, ce qui se passe, c'est que c'est 3 rounds. Le premier round, t'as 1 oublette. Le deuxième round, t'as 2 oublettes. Le troisième round, t'as 3 oublettes. Fait que c'est 1 contre 1 la première bataille. Okay. Puis, en gros, il y a des batailles que j'ai été obligée de quitter parce que t'as certaines batailles que tu peux juste utiliser. Les deux équipes, ils peuvent juste utiliser leurs moves spéciaux. Oh! En gros, il y a des batailles... Il y en a qui font rien. C'est ça! Ouais! Il y a des batailles où est-ce que, comme... Moi, j'avais juste... Tu sais, comme j'ai choisi un bled que je trouvais cute, mais... Tu sais, et puis ces moves sont forts quand t'es mélangé avec d'autres parce qu'ils donnent des boosts. Mais tout seul comme ça, c'était pas des boosts, c'était pour bloquer l'autre. Fait qu'à chaque tour, ouais, je bloquais ça. L'autre, puis là, l'autre faisait rien. Puis là, mon tour, je bloque l'autre. Puis j'ai été obligée de quitter la bataille, de déclarer forfait parce que c'était juste 0-0. Celui-là avec le qui est un petit robot avec la clé, là. En tout cas, moi, c'est celui que j'ai eu de base à cause que je suis dans les mêmes pins, puis c'est ça, il fait que stunner. Son attaque de base, c'est juste des stuns, fait que, ouais, quoi, effectivement, il fait pas de dégâts. Fait que c'est ça, puis vu que c'est celui de base, ben, comme, c'est celui que tu montes le plus vite en XP. Oui, ben oui. Fait que là, t'arrives à ta dance burn, puis t'es comme, ah, ben, c'est 1 contre 1, je vais prendre mon oublette le plus fort, tu choisis celui-là, puis là, T'es oh my god. C'est, il sert à rien en un contre un. Par exemple, aux batailles de ben, deux, il sert à rien non plus, mais à bataille avec trois, là, c'est vraiment cool, tu sais. Uh-huh. Parce que ses moves sont forts. Parce que l'autre, mais... il joue jamais. Fait que genre... Ouais. Ça fait doit pas être bon avec Dumb Bird aussi. C'est pas lui qui fait juste comme rajouter des cartes dans le deck de l'autre, là? Ouais. Il fait juste faire un flutter. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme... Ce serait intéressant de pouvoir plus... Si on avait plus d'informations... Tu sais, j'avais quasiment envie de me faire une genre de spreadsheet avec où est-ce que je rentre à main chaque carte de chaque houlette au fur et à mesure que je découvre pour checker. Mais ça, c'est le genre d'affaire que je suis sûre que ça va être rajouté, là. Comme, ouais. Ça fait aucun sens que ça soit pas rajouté, là. Parce que ça rendrait les batailles beaucoup plus intentionnelles, tu sais, mm-hmm. versus « Ah, choisis des houlettes parce qu'ils sont cute. » Pis si tu perds, t'es comme ok, je prendrai plus ce oublet là ever. Mm-hmm. Pauvre petit. Oui. À la ferme. À la ferme, pis tu sors plus de là. Il y en a un cool que je viens de pogner. Il est vraiment cool, mais il sert à rien. Ses moves, c'est tout pour te donner des ressources. Des ressources. Genre des beets? Genre des graines de légumes. Ah! Fait qu'en soi, dans la bataille, il sert à rien. Mais okay. Mettons que t'es en train de fucking owner la bataille, genre, comme tu... Si t'es meilleur de loin, t'as une super avance sur l'autre, ben, tu sais, glisser une couple de cartes pour te donner comme une couple de ressources, une couple de légumes, une couple de graines de légumes, ah. C'est pas mal. Ouais, tu sais. Tu échanges ton avance, tu te nuis à ton ouais. gameplay short term ouais. pour t'aider à long term. C'est ça. Mais c'est jamais un oublet que tu vas choisir comme dans les dance battles de Burn à 1, 2 ou 3. Même 3 contre 3, c'est, ça va être trop serré. Mais tu sais, si t'es dans le wild puis t'es à 6 contre 6, ben si t'as 5 forts Pokémon, tu le mets lui en side puis c'est cool. Là. J'ai encore du Pokémon. Là, je suis. On a parlé de bataille. On n'a pas parlé de quand même un aspect assez. Ben, je veux pas dire important, là, mais un aspect assez marquant de Oublette qui est les dialogues. Ah, ok. Je veux dire, on n'a pas parlé du farming, là, effectivement, c'est important. Mais oui, les dialogues. J'essaie de remonter dans la conversation de groupe parce que là, vous aviez commencé un lexique. Pour comme savoir tous les mots. Je sais pas si c'est rendu loin, ouais. J'avoue que comme pour moi que mon niveau d'anglais il est comme quand même pas pire bon, mais pas top notch. Fait qu'il y a des mots, tu sais, je lis puis souvent il y a des mots que je suis comme c'est un vrai mot ça. C'est comme ça sonne un peu comme un vrai mot, mais ça sonne comme du parler populaire où est-ce que genre les gens ils vont juste dire le début du mot puis à la fin genre. Oui, c'est mon préféré. Ah, oh, c'est mon préf. Genre, tout le monde en roublette parle comme ça tout le temps. C'est mêlant quand même. Mais c'est pire parce qu'ils changent littéralement les mots. Là, comme... Si c'est un mot un moindrement compliqué, ils vont juste faire une espèce de mot valise avec deux mots simples, mettons. Là. C'est que, ben, on a-tu des exemples? Parce que là, c'est dur d'en parler sans avoir des exemples. Moi, je me souviens de l'arrosoir là, qui s'appelle comme. Un dribble, dribbly. Le dribble ou le dribblican. Le dribbly. Tes points, comme ta currency spéciale, ça s'appelle des wishes. Des wishes. Des wishes. Des wishes. Tu peux les envoyer dans la wishing well. La wishy well? Wishing well, je suis pas sûre. Hein. Peut-être, probablement wishy well. Mais il y en a qui n'ont pas aimé ça. Il y en a qui ont l'impression de parler à un bébé quand ils jouent. Ah, oh, c'est juste des mots de bébé là. Mais, écoute, ils n'ont pas rien suivi du jeu depuis qu'il a été annoncé. Je veux dire, ouais. Tout leur marketing, toutes leurs affaires, toutes les. Leurs dev diaries, c'est l'affaire la moins marketing, la moins sérieuse de l'univers. Hein. Je sais pas si vous en avez réécouté récemment là, pour vous remettre dedans, là, mais comme. Ouais. Tu sais, c'est la fille qui fait le jeu, là, qui parle. Pis comme, on dirait qu'elle stone tellement que, tu sais, elle parle pis comme, elle oublie ce qu'elle dit au milieu de ses phrases pis elle était comme, Oh, regardez, le houblette, il est cute. Puis là, elle passe d'autres choses. Des fois, il rajoute du texte au montage pour dire comme, bon, ben, elle voulait nous expliquer les 6 nouvelles patentes. Bon, ben, elle a arrêté après 5 parce qu'elle a été distraite puis elle a oublié de le filmer après ça. Fait que, ben, ça sera dans une autre vidéo. Mais c'est le mindset, tu sais, comme... C'est ça, tout est cute, tout est zen. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de m'habituer au fait que tout soit cute puis zen, parce qu'au début, je suis comme, ok, ok, faut que j'optimise, tu sais. Ouais, c'est pas... Ouais. Il y a pas de limite de temps à rien. Puis, tu peux tellement faire de choses dans une journée aussi, là. Fait que t'as même pas le temps de te... Ouais. Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai tout le temps trop de temps à la fin de la journée, là. Fait que ça sert quasiment à rien de te grouiller. Il y a pas de stress. Puis au pire, si t'arrives pas à le faire cette journée-là, tu le feras le lendemain. On va faire demain. C'est pas grave. Tout est beau. Puis comme... C'est ça, puis je trouve le texte reflète ça. Ouais. Puis en tant que designer d'interface, je trouve ça admirable. Comme le bout le plus difficile de mon travail ever, c'est de trouver quoi écrire sur les boutons, genre. De trouver quoi écrire sur les affaires. Puis... Eux, ils ont tellement nailé ça. Genre, c'est... j'ai pas de bons exemples. Tu sais, mettons, quand tu finis ta journée, au lieu d'être comme « ok » ou genre « next day » ou genre « end day » ou quelque chose du genre, c'est « I did good ». Fait qu'à chaque fois c'est tellement genre... Oui! Quand tu cliques dessus pis tu te sens bien, là. Parce que là, t'as l'énumération de ce que t'as fait aujourd'hui, mais il compte tellement de choses. Parce que, mettons, dans Stardew Valley, quand tu finis ta journée, c'est juste le cash que t'as fait. Genre, le décompte que t'as dans ta face, c'est juste le cash que t'as fait. Fait que si t'as miné... Ouais. Ouais, fait que si t'as miné toute la journée, t'as l'impression d'avoir rien crissé, tu sais, parce que dans ton décompte, au final de la journée, y a comme rien. Tandis que là, dans celui-là, comme, il compte le monde à qui t'as parlé, puis les affaires que t'as... Comme, pas les affaires que t'as récoltées, les affaires que... Ben, y a aussi les affaires que t'as plantées. Fait que même si t'as pas récolté, mais t'as juste planté. Tu sais, y a comme plein de choses. Fait que genre, t'as une super méga liste, puis à la fin, tu cliques « I did good ». T'es genre « Ah, oh, yes, I did good ». Oui. Il y a pas un bouton... On devrait tous faire ça. Il mm-hmm. y a pas un bouton que le label, c'est « OK ». Ou « Yes » ou « Non ». C'est ça l'affaire avec le langage. Je peux trouver que... Genre, je peux peut-être comprendre que les gens trouvent ça un peu gossant, mais ils sont tellement, justement, constants dans leur langage. Il y a comme aucun aspect du jeu qui reprend un anglais normal, là. Fait que t'es 100% immergé dans cet univers-là où ça donne que les gens parlent de même. Tu sais, moi, ça, je trouve pas ça bébé, j'ai juste l'impression que c'est... Ben, c'est comme ça qu'on parle, là. Puis... Mais c'est parce qu'elle parle comme ça. Okay, comme dans toutes ses vidéos, dans toutes leurs affaires marketing, dans toutes les affaires qu'elle écrivait, c'est comme, elle parle de même. C'est comme si, je sais pas si vous la connaissez... puis j'oublie son nom. Catherine Etier. Elle fait des chroniques, elle est chroniqueuse dans un paquet d'affaires dans le journal, puis elle fait des podcasts, puis des trucs comme ça. Catherine Etier, c'est la version québécoise de Rebecca de Houblette. OK. Ben, peut-être un peu différent, là, mais comme... C'est sûr, je dirais pas Aldo puis Delio tout le temps dans la vie, là, je pense pas, là. Non, mais, ouais, probablement pas, là, mais comme... Catherine Etier, elle a une manière de parler que c'est Catherine Etier. Puis comme, tu lis quelque chose, tu fais comme, ah, oh, ça, c'est sûr, c'est Catherine Etier qui a écrit ça. Genre, comme je la connaissais pas, je la connais depuis vraiment pas longtemps, puis je suis comme méga fan instantané. C'est comme, moi, je pourrais l'écouter parler de n'importe quoi pendant des heures, parce que comme, c'est juste le fun. Elle sort tout le temps des petites expressions, pis t'es comme, tout si tu sors ça, mais c'est comme, continue d'en parler, c'est super drôle. Juste le fun que tu dis, c'est non seulement sur le ton, mais aussi sur ce qui est dit dans le jeu. Comme j'ai pas. Je me suis pas encore tannée de lire les dialogues. Non, ouais, même les personnages qui ont pas rap, genre, pis tu fais juste leur parler, là, ce qu'ils disent, c'est tout le temps un mood. Genre. Ouais. Il y a tout tellement d'affaires. C'est des réflexions comme... c'est des réflexions de douche, là. Fait que ça, c'est des shower de thoughts, là. Ouais. Comme des réflexions weird que t'as quand t'es dans la douche. Fait que c'est sûr que ça a peut-être l'air un peu stone, là. Mais c'est tout excellent, genre. C'est tout excellent. C'est tout, t'as toute envie de toutes les screenshotter puis de les partager. Mm-hmm. Parce que chacun d'entre eux, t'es juste comme, yep, ça. Je me suis retenue de faire ça sur le Discord tout le temps parce que je me disais, c'est un peu spoilery aussi, là. Fait que genre, Faut pas tout partager, mais... toutes les dialogues, mais... Mais comme, mon bout préféré, pis tu sais, comme dans la catégorie dialogue, mais aussi probablement dans tout le jeu, t'as une des filles qui est genre une genre de witch qui craft pis fait des potions. Pis c'est, en tout cas, de nous dans le Discord, c'est tout notre personnage préféré. Mm-hmm. mais dans c'est sa pas maison... encore vu, fait que c'est pas encore mon personnage préféré. Okay. Elle est même pas dans un club parce que, genre, elle veut pas prendre position, quelque chose genre. Ouais. Ce qui est écrit dans sa description, c'est parfait. Mais dans sa maison, il y a des potions que tu peux trouver. Puis les potions servent à rien. Fait que t'as trouvé, puis ça fait juste te dire qu'est-ce que la potion fait. Mais les potions, ils font rien, mais ils font quelque chose d'amazing. Genre, la première potion que j'ai trouvée, c'est une potion qui assure que tu vas être tout seul quand tu vas prendre l'ascenseur. Bon, la première que j'ai trouvée, c'est la potion pour être sûr de te rappeler, tu sais, du nom du gars qui joue le rôle de Chose dans le film avec Chose. Que c'est d'être capable de discuter des sujets qui te préoccupent sans être préoccupé par les sujets dont tu parles. Hmm. C'est comme, wow. Ça, c'est deep. Mais il me semble, c'est ouais, ouais. Très non, je me rappelle. Il y a la traduit. Potion qui fait que ta manche, elle vire pas en mouton quand tu mets ton bras dans ton coat. Ah, oh, ça, je la prendrais, celle-là. Dans le jeu, ils font rien. Non. Mais à chaque fois que tu vois, tu sais, pis c'est ça, tu vas juste la trouver, mais pis à chaque fois, tu lis ce que la potion fait, pis t'es comme, j'en veux 48. Uh-huh. Pis c'est tout. Pis ça, tu sais, ça va pas dans ton inventaire, ça fait rien, mais c'est juste... Mais à chaque fois que tu vois dans la maison une potion, t'es juste comme « Yes! » Pis t'as hâte d'aller voir la potion. C'est merveilleux. Ouais. C'est juste plein de petites pochettes de joie, ce jeu-là. Et c'est ça, c'est que c'est si chill qu'on dirait qu'il est comme... Il n'y a pas grand-chose qui m'achale. Tu sais, même les personnages qui sont désagréables, ben, comme tout le monde... Tu sais, puis il y en a deux qui sont pas super, là, mais comme... C'est que tout le monde est si chill qu'il est comme... Il n'y a pas vraiment de conséquences. Puis même à ça, je trouve qu'ils comme, sont un peu désagréables, mais ils sont quand même pas aussi désagréables que Shane dans Stardew Valley, là. That guy can fuck off. Mais... mais tu sais, c'est comme... Tous les personnages sont uniques, puis tu sais, il y a Taffy, l'ancien maire, que je comprends absolument pas. C'est quoi son deal? Mais c'est pas grave. Outgrid et tout. Ses moves sont nice. Ouais. Mais... Quand elle parle, qu'elle se fait aller à la tête demain. Non, mais tous les bonhommes, quand ils parlent, ouais. Ils se font aller à la tête comme ça. Les animations. Ça, j'espère que c'est pas des placeholders pour ouvrir les animations, là, parce que l'animation, quand tu cours, c'est la chose la plus merveilleuse ever. Ils sont mieux de pas toucher à ça. Quand tu cours, puis quand t'es fatigué. Ah oui, quand t'es fatigué, t'es toute flop, là. T'en vas la mi-jour. C'est comme si t'avais plus de colonne. Ouais. Cours comme ça. Pas d'amis plis. Okay. Ouais, mais quand t'es fatigué, plis dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ça, c'est super parfait. C'est vraiment drôle. Je me demande, est-ce que vous savez s'ils ont fait du motion capture pour les mouvements? Parce que oui. Ouais? Ouais. Il me semble que j'avais lu quelque chose, c'est genre, justement, comme... Le projet a commencé parce qu'elle a eu un kit de motion capture puis elle a juste viré folle. Juste à l'œil, ça semblait particulièrement évident, mais j'aurais pas voulu mettre ma main au feu. Ouais, ben, moi non plus. Il y a des trucs qui c'est ont trop beau, space. Tu sais, mettons, justement, quand elle est fatiguée puis comme son corps perd tout son tonus, clairement ça, c'est juste de la physique dans le jeu. Ouais, c'est du code. Ouais, c'est du ragdoll de... Yeah. Tout le haut du corps. Mmh. Mais... Juste quand elle marche, son corps est un petit peu mou. Là. Ouais. Mais quand... il y a des moves de danse où est-ce que t'es comme wow, si ça c'est pas du motion capture, l'animation, tu sais, comme c'est la fille qui fait les animations, là. Comme elle kick des culs pour faire des animations. Mais même si c'est du motion capture, elle kick des culs. Mais... Ouais. Oui, parce que comme faire du motion capture, guys, c'est pas magique, là. Non, faut que tu non. Clean up toutes ces shit-là. C'est quand même long. Ça va, ça t'aide, mais c'est pas magique. Comme, c'est ce que je, c'est ce que... Là, se termine la fin de mes connaissances sur le motion capture, mais c'est ça que les gens, ils m'ont dit. C'est comme, ouais, non, motion capture, c'est pas magique, là. C'est comme, c'est de la job pareil. C'est juste moins de job. Les expressions faciales sont cool aussi. Les autres sont absolument pas motion cap non plus, là, mais... sont juste comme... Mais c'est ça, c'est que c'est cute, mais c'est pas un jeu qui est préoccupé par être esthétiquement beau. Fait comme c'est adorable par le fait que des fois, c'est juste silly, pis comme pas esthétiquement joli, là. Tu sais, des fois, ils ont juste des faces niaiseuses, là. Tu sais, c'est un peu le... C'est le cute plus dans la mode de faire des selfies avec des faces comme ça que dans le genre « Ah, je suis cute, je suis parfaite. » Genre, je mets un filtre, c'est pis... C'est cute, derpy. Ouais, ouais. Ah, derpy. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est derpy cute. Ouais. Comme le oublette qui s'appelle si... Dumburb. Au début, j'étais comme, c'est un peu offensant pour le oiseau de s'appeler Dumburb. Mais, je pense que la description, c'est genre, on sait pas s'ils volent. Ou en tout cas, s'ils volent, ils font quand personne regarde. Alright. Fait que c'est quoi, ouais, c'est vraiment derpy, parce que la moitié des... Comme, au début, je pense que c'est au hasard, là, quand tu fais éclore un nouveau houblette, là, il y a comme... Il est devant toi, il y a comme une animation idle, puis une description, tu sais. Mais comme, je pense qu'il soit de face ou de dos, ça doit être un truc de 50-50, mais en tout cas, au début, toutes mes houblettes que je closais, ils étaient toutes de dos, là, fait que j'étais comme, ok, ben, à chaque fois que tu rencontres un houblette, il fait juste te montrer ses fesses en dansant, tu sais. J'étais comme, bah, ben, c'est comme ça. Il y a un des moves que c'est ça, un des moves de danse, fait que ça doit être juste ce move-là. Ouais, c'est ça, c'est peut-être juste ça. Je pense pas que j'ai eu une présentation de houblette par les fesses. Ah ouais, j'en ai eu vraiment beaucoup. Fait que c'est quoi vos houblettes préférées? Ok, c'est une question plus deep que tu penses. Wow! Parce que mon problème dans la vie... Oh boy! J'attribue, surtout dans les jeux, j'attribue beaucoup d'importance à l'esthétique. Puis les houblettes sont pas tous beaux. Ouais, elles sont... Ouais. Mais les beaux houblettes, ils ont souvent des pouvoirs de merde. Ouais, l'homme stump, il est vraiment fort, puis je le trouve pas beau. C'est ça. C'est carton. Exactement. Fucking forte. Ouais. Exactement. Fait que... Tu sais, il y a quasiment deux niveaux à ta question de houblette préférée. C'est comme, quelle houblette est-ce que t'aimes pour leur esthétique? Quelle houblette est-ce que tu traînes avec toi partout puis que t'amènes dans tes combats? Puis genre, quelle houblette t'aimes les pouvoirs de? Mais ça, c'est drôle parce que c'est vraiment une legit question dans l'univers de Pokémon. Là. Comme, c'est vraiment legit le genre, comme... Quand les gens sont comme, quel Pokémon tu veux dans ta team, c'est comme, est-ce que c'est une team pour se battre? Ou c'est quel Pokémon que je veux dans ma maison? Pis c'est jamais la même chose, genre. Parce que les plus forts sont tout le temps gros pis laid pis méchants, là. Pis les petits cute cuddly que tu veux comme un teddy bear dans ton lit, ben tu mets pas ça dans ta team de combat. Ben, c'est la même chose. C'est encore plus deep pour Pokémon, parce que je pense que Pokémon, je classifierais dans trois catégories. Ah. Ceux qui sont puissants, ceux que t'as envie d'avoir pour amis, ceux qui sont utiles. Tu sais, comme, mettons, dans les animés, il y en a qui ont une utilité. Tu sais, c'est pour ça que tu disais que t'as envie d'avoir dans ta maison, mais comme, tu sais, il y a ceux que t'as envie de hanger out avec dans ta maison. Ouais. Mais t'as ceux que t'as envie de posséder comme esclave pour... Comme la vaisselle. Ouais, c'est ça. Ou parce qu'il va lever le frigo d'une main pour que tu puisses épousseter en dessous, là. Ouais. Ben oui, juste genre te produire de l'électricité. Ah ouais. Puis... ouais, le choix du mot esclave était un peu rough, mais là je t'écoute pis je suis comme, ouais, c'est pas mal le bon mot. Un peu ça, Pokémon. Fait que houblette, t'as pas le côté utilité, genre. Les houblettes sont juste cute pis ils se battent. Ben, en fait, ils pourraient l'avoir, c'est juste qu'ils ont toutes la même utilité. Tu sais, quand tu les mets pour utiliser ton espèce de moulin, là, ça peut être n'importe quel. Quand tu les mets pour arracher des mauvaises herbes, ça peut être n'importe quel. Tu sais. Fait que c'est une dimension qu'ils pourraient rajouter, peut-être. Genre, je sais pas, faut que ce soit... Ben, tu sais, encore là, pour repérer le moulin comme un moulin à café, mettons, là, qui graine des grains, comme... Tu pourrais assigner ceux qui ont pas de bras, ça marcherait pareil. Ce qui fait peut-être pas tant de sens, t'sais. Ok, ça pourrait être une autre dimension de profondeur à un moment donné. Il peut le faire avec sa bouche. I guess. C'est check l'oiseau, tu sais. Il n'y a même pas de bouche, il y a un bec. Il est comme. Pauvre petit oiseau. Puis encore là, c'est ça. C'est le petit robot avec juste une clé à crinque, comme définitivement que. Il va avoir de la misère un peu. Yeah. Tantôt, quand j'ai dit ah, le sujet qu'on pourrait parler, puis là, vous avez dit et le farming. Oui. Ouais. Moi, je l'ai pas. Tu sais, j'ai farmé 6 carrés, là. Fait que je suis pas rendu. Vous, qu'est-ce que. Avez-vous des choses à dire là-dessus? Moi, j'ai sachant que j'ai c'est du early access encore. Ouais, même à ça, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas fait le tour comme. Comme je suis vraiment moins avancée que Camille, là. J'ai l'impression que j'ai pas fait le tour de toutes les possibilités pour le farming. Tu sais, les seuls sprinklers que j'ai, c'est ceux qu'un personnage m'a donné. Fait que j'en ai même pas fabriqué encore, là. Okay. Ça prend pas des obsidiennes pour fabriquer ça, j'espère. Qu'est-ce que tu penses? Ah non. Fuck off. Je vais arroser la main. Mais là, ça commence. Non, mais... Je suis rendue où est-ce que c'est long à arroser la main, par exemple? Parce que je suis rendue quand même avec une grosse ferme. Fais juste débloquer la barn, puis tu vas être correct. Ah, pour vrai? Pour toujours. Oh my god. Ça. Ok. Fait que c'est ça. Farming. Anne-Marie a dit qu'elle a pas l'impression d'avoir rien exploré parce que elle est pas rendue là. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment, vraiment fait le tour. Puis j'ai joué peut-être 5-10 heures de plus qu'Anne-Marie. tu fais vraiment vite le tour. Puis tu automatises, qui est le mot que je cherchais, tu automatises vraiment vite ta ferme, comme le côté farming, versus, mettons, dans Stardew Valley, où est-ce que tu commences à avoir une ferme pleinement automatisée après comme 30 heures de jeu, 40 heures de jeu, comme de grinding, puis tout, que tu arrives à comme, avoir les matériaux pour mettre des sprinklers, puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, même au niveau de. Que je suis rendue à Oublette, l'équivalent dans Stardew Valley, c'est plus comme du 80 heures de jeu où est-ce que t'as fini le jeu, puis que t'as les Junimo qui sont comme les petites bébites magiques en forme de pomme, qui ramassent tes graines, puis qui... Non, c'est ça. C'est même plus puissant dans Oublette. J'ai juste joué 1h30 par jour toute la semaine, puis j'ai débloqué l'affaire où est-ce que tu assignes des graines, puis à Oublette, tu vas arroser, désherber, planter des graines, puis cueillir tes plantes. Fait que t'as plus rien à faire. Tu fais juste domper tes graines dans la cabane, tu laisses les oublettes s'occuper d'arroser. Tu sais, les oublettes s'occupent de tout, puis tout ce que t'as besoin de passer, c'est que tu passes dans tes coupes, puis tu ramasses les trucs. T'sais. Fait que tu fais vraiment, vraiment, vraiment vite le tour. Tu sais, comme tu passes rapidement du stade d'Anne-Marie où est-ce que c'est comme « Hein, j'ai l'impression de pas avoir rien fait, c'est long d'arroser les trucs à main, je suis un peu tannée. » Tu passes de ça à « Tout est automatisé, se cueille tout seul, se plante tout seul, puis... » Fait que je trouve que c'est comme un des aspects du jeu, c'est le fait que c'est en early access, il pourrait vraiment approfondir les différentes options de farming, comme rajouter des niveaux, comme rajouter de la profondeur dans le farming, dans comment ça marche. Mais tu penses-tu qu'ils automatisent tout le farming vraiment vite? Tu penses-tu que c'est parce qu'ils veulent que tu priorises ton temps sur autre chose, genre les dance battles, mettons? Tu penses-tu que le but, c'est qu'à un moment donné, comme tu te débarrasses un peu de l'aspect farming puis que tu te concentres sur d'autres choses? Ben, j'imagine, comme, oui, mais c'est juste que pour moi maintenant, ouais, c'est comme le farming qui est supposé être comme, que je considère être comme un aspect important du jeu, pour moi maintenant, il est comme résolu, considéré comme, j'ai passé la cassette du farming dans le jeu-là, okay. Il me reste juste à grinder plus de ressources pour expandre le système que j'ai déjà en place. puis produire plus, mais en même temps, produire plus, ça sert pas à grand chose, considérant qu'il y a pas de limite de rien, puis de temps, puis de, t'sais, dans le jeu. Fait que si utile d'avoir une grosse ferme pleinement fonctionnelle rapidement. Non, il y a comme rien qui presse vraiment, là. Fait que ça devient plate vite. Puis c'est ça, si tu l'as. Si tu sais pas qu'il faut que tu unlocks la barn, qui est quelque chose que je savais pas, ben là, tu trouves ça long pis plate. Puis là, ben une fois que tu l'as optimisé, ben c'est juste plate. C'est plus long. Hmm. Juste vite, t'as-tu unlocké la montgolfière? Ouais. Ça change grand chose dans le jeu ou. Parce qu'on sait tellement pas ce que ça fait. oui, c'est pas tellement un spoiler parce que je pense qu'il te le dit, ça. Ça te permet d'aller dans d'autres endroits. Ok. Puis ça sert c'est à comme. Ben, il y a des houblettes différentes. Ok. Puis t'as une genre de quest. Pour l'instant, c'est comme. C'est que. Pour l'instant, quand t'embarques dans la montgolfière, ça te dit où est-ce que tu veux aller, puis t'as un choix, mais t'as deux autres choix qui sont comme grisés. Fait que j'ai l'impression que plus loin dans Early Access, ils vont comme construire les autres endroits. Tu vas pouvoir aller dans d'autres endroits aussi. Fait que là, pour l'instant, c'est vraiment juste comme t'as un petit chemin, t'as une quest à faire, comme t'as des batailles à battre. Puis t'as un petit stand qui vend des sortes de fruits que t'as pas dans ton île. Pas ton île, mais ton... Ok. Ok. Puis les portes à l'extérieur de la ville, ça mène ça à quelque part? C'est comme par en haut, c'est bloqué, puis par à droite, c'est bloqué? Est-ce que c'est juste bloqué parce que... Okay. C'est juste bloqué. Comme, je pense que ça va être aussi des affaires qui vont être ajoutées pendant le Early Access. Comme, je vois beaucoup d'opportunités de rajouter des affaires cool là-dedans. Tu sais, entre autres, comme là, c'est un peu plate parce que le niveau... L'autre niveau, t'amène juste à... C'est une place où est-ce que t'as une ressource de plus... trois races de houblettes de plus, puis deux sortes de graines de plus. Mais, tu sais, je verrais facilement comme, tu sais, si une des autres places où est-ce que tu prends mon golfaire, c'est une autre ville avec un autre magasin. Mm. Tu sais, il pourrait avoir une manière où, tu sais, d'autres personnages avec qui interagir. C'est sûrement ça qu'ils veulent, par exemple, j'imagine. J'imagine. J'espère juste que ce sera pas juste... Comme, si les trois places où est-ce que tu peux aller... sont comme la place où est-ce que tu peux aller là, ce serait plate. Mm-hmm. Puis entre autres, tu sais, comme moi, ce que j'ai trouvé plate, c'est que j'ai unlocké la montgolfière avant d'unlocker la grange. Ben là, oui, c'est ça que j'allais faire, là. C'était mon plan aussi, là, avant que vous en parliez, là. Parce que la montgolfière est plus cool, puis plus impressionnante, puis t'es comme, ah, mais là, je vais pouvoir aller ailleurs malade, puis en plus, t'as une quest qui a l'air d'être la quest principale du jeu au complet, qui consiste de prendre la montgolfière, fait que tu fais ça. Oui. Mais là, t'arrives là-bas, puis il y a plein de nouveaux houblettes, mais là, t'as pas de place pour mettre tes nouveaux houblettes parce que t'as pas unlocké la grange. Fait que... Je suis déjà super jammée, là. C'est ça. Je suis pleine de houblettes jusque-là. Là, j'espère qu'ils vont quand même donner une chance que tu puisses en dire au revoir à certains houblettes, là, parce que c'est sûr que c'est le genre de jeu trop respectueux que tu vas pas juste abandonner ton houblette dans la nature et se faire manger par un prédateur, là. Je suis sûre que ça se fera pas, là. Mais pour avoir une sorte de SPCA d'houblettes. Mais c'est ça, puis c'est que j'en ai des pareils, parce qu'au début, j'étais pas sûre si les rares, ils allaient pas juste éclore rares tout d'un coup. Je savais pas que c'était des graines spéciales. Fait que c'est ça, fait que j'en ai fait des pareils un peu au début. Je vais essayer de retrouver, là, sur un Reddit, t'as un screenshot d'un update qu'ils ont fait. C'est genre, on a augmenté la limite de houblettes que tu peux avoir au début parce que. On a augmenté la limite que tu peux avoir au début pour toutes. Ah, ok, je l'ai exactement. Increase houblettes home baby starting limit by 4, 8 à 12. For all you folks who grew 300 lump stumps before asking yourselves why. Yep. Puis, hello. Ça, c'est dommage. Yep. Et se débarrasser des houblettes. Et se débarrasser des seeds. Parce que là, maintenant que t'as des batailles, ils te donnent des seeds, puis là, t'es comme, ah, mais je l'ai déjà, celui-là, j'en veux pas, la seed. Puis tu peux pas t'en débarrasser. Puis là, eux, ils sont comme... Dans le fond, tout le monde qui a demandé, comme, ben, pourquoi tu peux pas t'en débarrasser? Puis eux, leur réponse, c'était, ben, on pensait pas que tout le monde allait collectionner des seeds comme des fous, genre. C'est comme, mais qu'est-ce que tu penses que vous alliez faire? La Dance Barn, ça donne des seeds. Parce que moi, pour l'instant, là, je fais pas un combat si je veux pas avoir la seed. C'est ça. Ouais, je suis mais... à ce moment-là. Comme, fait que j'accumule pas d'XP, puis je... Parce que, en plus, ça coûte de quoi, genre? Fait que, ouais, non, je fais des combats uniquement avec ceux que j'ai pas. Et moi, au début, je voulais monter leur XP, parce que j'étais comme, mais là, plus je fais de combats, plus je monte mes houblettes, plus ils vont être forts. Mm-hmm. Fait que je faisais tous les combats. Ah, oh boy. c'est ça, puis... ça vaut pas la peine. Parce qu'il y en a qui coûtent mais... cher, là. Oui, mais c'est qu'au début, si tu... À un moment donné, t'apprends qu'il y a juste les trois premiers niveaux qui augmentent les cartes de ton deck. Il y a ça aussi. Fait que ça vaut la peine d'augmenter ton bled de trois niveaux, mais ça, tu le sais pas au début. Puis ça prend comme quatre batailles pour monter trois niveaux, là, c'est rien. Mais, fait que si tu le sais pas, ben là, tu veux prendre toutes les batailles que t'as la chance de prendre pour pouvoir monter de niveau tes oublettes. Puis là, ben, fait que là, tu fais plein de batailles, fait que là, ils te donnent plein de seeds, puis là, tu fais pousser plein d'oublettes, puis là, ben, tu claques tes doigts, puis t'as plus de place pour mettre tes oublettes dans ta ferme. T'as plein d'oublettes que tu veux pas, puis là, t'es haï. Mais t'as pas un... Mais il y a une option pour s'en débarrasser, non! Right? Oui, ouais. Je l'ai vu, il me semble, des menus. Non, il y a des... Ah non, mais pour le renvoyer à ta ferme, c'est peut-être ça que tu veux dire. S'en débarrasser dans ta ferme. Non, mais t'as quand même une limite d'oublettes que t'as le droit de posséder dans ta ferme. Au total, ouais. Okay. Les internets sont remplis de gens qui sont juste comme comment je fais pour me débarrasser d'un oublette, puis comment je fais pour jeter une seed que je veux pas. D'accord. La réponse c'est il y en a pas présentement. On savait pas que les gens allaient avoir besoin de ça. On vous revient avec ça. Ça c'est des jeunes développeurs là, genre je comprends qu'ils ont pas pensé à ça là. C'est sûr là, ils pensaient pas qu'on allait se clencher tous les combats possibles à chaque jour puis ouais. Moi, tu vois, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que les joueurs consomment le contenu à une vitesse effarante. Mm-hmm. Je sais pas s'ils vont être capables de maintenir la cadence ou si, comme... On s'entend, Oublette, ça fait genre 5 ans qu'il est en développement? Au moins 3 ans? Je pense que c'est 4 ans. J'avais regardé parce que Drew m'avait posé la question, là. Je pense que c'est 4 ans, depuis 2016. Mais ça, c'est-tu comme quand il a été annoncé ou quand il a été commencé? Parce que... Si c'était quand il était annoncé, si ça se trouve, il était en développement un an avant ça. Ouais, je pense que c'était comme la date du copyright sur le site, quelque chose de genre. Ah, ok, bon. En tout cas. Mais, moi, c'est sûr, c'est le truc qui me fait un peu peur, c'est que, ben, ils sont deux. Ils sont un. Fait que, si ça se trouve, il n'y aura pas d'update avant 6 mois. Puis là, ils vont sortir une affaire. Puis après ça, dans six mois plus tard, on va sortir un autre affaire. Puis comme les joueurs vont être comme genre, oui, mais j'en veux plus. Puis... Moi, j'essaie de pas me faire l'attente. Puis de c'est ça. Fait c'est un jeu pour moi, chiller. Moi, je pense qu'il faut... C'est pour ça que, en fait, je voulais vous demander... Mettons qu'il y aura jamais d'autres updates. Que ce que vous avez eu là, c'est le jeu, puis ça va être ça. Est-ce que ça a valu comme votre temps puis votre argent que vous avez mis dedans? Est-ce que vous avez eu du fun pareil? Assez pour dire comme genre, ben, c'est une bonne expérience. Puis si les devs meurent demain matin, là, mettons, là, comme, quel va être votre verdict? Ça va être comme, c'est nice ou comme, on attend? Je pense que vous avez bien décrit, ben, je vais vous laisser parler, là. Ben, moi, j'ai payé 9$ pour. Parce que quand il est sorti, il était à 20% de rabais. Mais si t'avais pas acheté récemment un jeu dans Epic, tu sais, Epic, il te donne des coupons rabais à pu finir, genre des 15$ de rabais sur plein d'affaires tout le temps. Puis là, j'avais un coupon que je savais même pas qu'est-ce qu'il y avait, mais comme quand j'ai été pour acheter le jeu à la fin, c'était comme, by the way, t'as un coupon qui fait comme X off. Puis, fait que ça a fait en sorte que j'ai acheté le jeu pour 9$. Pour 9$, je suis pas déçue de ce que j'ai eu, mais je sais pas si je le recommanderais à quelqu'un. Comme, c'est ça, je serais pas fâchée d'avoir perdu mon... Ben, ça en prend beaucoup pour que je sois fâchée d'avoir perdu mon argent sur un jeu, mais je serais pas comme fâchée... J'en aurais eu pour mon argent, j'aurais été satisfaite. Mais mettons satisfaite comme je l'ai été quand j'ai joué à A Short Hike, mettons. Mm. Où est-ce que c'est le jeu est cool, tu joues, puis après ça, tu l'oublies, puis tu retournes plus dessus, tu sais. Puis je pense que ce jeu-là aurait le potentiel de devenir un jeu où est-ce... Comme s'il continue à rajouter du contenu, ne serait-ce que, c'est ça, balancer les affaires, rajouter des options, rajouter comme des trucs par-ci par-là, ça deviendrait le jeu qui aurait le potentiel de peut-être un jeu que je revisite une fois de temps en temps, que quand je feel down ou n'importe quoi, je suis comme, eh, il me semble que je serais dû pour un petit peu de houblettes. Que ça devienne comme un go-to jeu qui me fait du bien n'importe quand que j'en ai besoin. Quand ça fait juste assez longtemps que j'ai pas joué pour oublier c'est quoi les dialogues, puis pour vouloir les relire, tu sais. Ouais, ça se pourrait que ça soit genre. J'ai même l'impression que, comme, quand. Mettons qu'ils sortent un gros update, tu sais, ça se peut que. Mon instinct de développeur de jeu me dit, genre, ça se peut qu'ils vont sortir des updates, puis ça va être genre, comme, ben là, si tu veux jouer l'update, faut que tu te fasses une nouvelle save file parce que c'est pas compatible. Comme je le vois arriver. Là. Faire de quoi qui est compatible, c'est de l'esti de gros job. J'ai fait ça pendant un an et demi quand je faisais It's Raining Cabbages. C'était de l'esti de marde. Ça double le temps de développement. For sure. Puis comme je regarde nous, notre jeu à job, même affaire. Fait que là, ils sont deux. Puis là, vous leur demandez bien du contenu. Fait que j'ai l'impression que ça se pourrait qu'ils vous disent « C'est soit ça, ou ça nous prend deux fois plus de temps pour avoir les environnements, puis les nouveaux houblettes, puis les nouvelles ci. » Peut-être que là, vous avez joué en 5 heures. Je sais pas combien de temps vous avez joué. Epic nous le dit pas, on a joué combien de temps, mais... Moi, j'ai peut-être joué ça 5 heures. Oui, tu right-click. Anne-Marie, t'as à peu près 5 heures. Camille, quoi, 10? Attends, 20? Je veux dire ce live. Ou ça? Non, mais je veux pas le faire apparaître dans le stream, fait que... Je sais pas, à ce moment-là. Je vois pas. Moi, je me souviens plus. J'ai mais c'est ça, c'est qu'il y a l'idée que si, les updates vont pas vite, moi, je vais juste... probablement que là, je vais jouer en masse, puis je vais faire le tour un peu, puis après ça, je vais juste arrêter, puis je vais revenir... Tu sais, comme... Le temps qu'il efface ma save file pis qu'il y ait plein d'updates, ça va faire genre un an que j'aurai pas joué. Fait que je pense que je vais être correct avec le concept de recommencer. Surtout le si jeu c'est... que tu revisites à une fois par année quand il y a une grosse update, genre. C'est ça. Surtout, tu sais, comme Stardew Valley, j'ai de la misère à le recommencer, mais c'est parce que Stardew Valley, comme... Quand t'as vraiment une bonne game avancée, t'as vraiment investi beaucoup d'heures, là. Fait que genre, de décider que tu recommences à zéro... C'est comme un beaucoup plus gros setback, tandis que là, dans Oublette, j'ai l'impression que ça va être pas mal moins pire de recommencer à zéro. En tout cas, pour l'instant. Là. Stardew Valley, comme le beat au début est très très lent. Moi, mon rêve, c'est qu'à un moment donné, il y ait un New Game Plus dans Stardew Valley. Comme... Puis je l'ai déjà designé dans ma tête. Dans Stardew Valley, le New Game Plus te permet de commencer avec des achievements de la... du community center. Oh, ok. T'sais, fait que tu pourrais commencer, mais ton le cart là, qui te permet d'aller de te déplacer vite à des places serait déjà débloqué. Ou t'as déjà ta sœur. Puis tu sais, peut-être que tu pourras choisir un ou deux de la gang, quelque chose du genre. Mais tu sais, ce qui est chiant au début, si tu veux ta sœur, la première année, il faut que tu te grouilles à faire tes choux-fleurs. Comme il y a plein d'affaires que c'est juste comme j'ai pas envie de me grouiller, j'ai pas envie de faire les affaires, mais en même temps. Je veux vraiment avoir cette affaire-là vite, fait que je vais me grouiller puis je vais faire des affaires. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que je joue une journée puis j'arrête. Quand je me fais des nouvelles games, là. Ouais. Puis, sauf que Oublette, tu sais, comme, j'ai l'impression, c'est ça, comme, puis là, vous demandez le temps, là, j'ai joué 20h42 minutes. C'est beaucoup plus que je pensais que j'avais. Quand même. Mais imagine, en 20h42 minutes, tu sais, je serais pas triste, comme, c'est un temps raisonnable, je trouve, pour comme si je revenais à ce point-là, là, puis j'ai l'impression que je serais capable de revenir à ce point-là en comme 10-15 heures. Revenir à ce point-là en 10-15 heures, c'est pas trop lent pour perdre mon intérêt. Oui, c'est en fait, ça risque d'être même plus vite que ça. Blob, il est bon, là, il fait des speedruns, puis il nous l'a dit l'autre fois, genre juste de refaire un jeu quand tu l'as déjà fait, voilà pas longtemps. C'est quoi t'avais dit, genre, ça t'avait pris comme 25 heures la première shot, puis 3 heures la shot d'après, puis tu sais, ça... C'était comme exponentiel. Ça, cette semaine, tu peux faire ça 20-30 heures, la shot d'après, tu le fais en 8, la shot d'après, tu le fais en 5, puis après ça, tu tombes à 2-3 heures peut-être. Dépendant c'est quoi, là, il y a des jeux que c'est juste pas possible. Ouais, je suis pas sûr que... Parce que Oublette, comme... C'est un peu gaieté à un moment donné, là, puis c'est comme Harvest Moon, ça attend que ça pousse, là. Fait que... Je sais pas à quel point... Tu dors. Ouais, mais c'est ça, là. Tu dors trois fois, tu fais comme, ok, il faut que je dorme deux fois, clac, clac. Ah ouais, peut-être. Puis contrairement à Restroom, je suppose que dans Oublette, c'est pas des affaires chiantes que tu vas manquer parce que t'es allé dormir à la place. Non, je pense pas. Tout reste là. Tout. Puis même, ce qui est cool, les plantes, c'est pas calculé en journée comment ils poussent. C'est calculé en comme quart de journée. Ouais. Puis t'as des affaires qui l'accélèrent. Fait que tu peux, comme le matin, t'es comme, ah, mes tomates vont être presque prêtes, mais il y a pas de tomates là, mais. Mais X vont être presque prêts, puis là, tu t'en vas juste aller faire une commission au magasin de meubles. Puis là, t'es comme, ah, ben, j'ai l'impression que ces plantes-là sont prêtes, puis là, tu retournes, puis là, tu peux les cueillir, tu sais. Fait que, comme, juste le fait que, c'est ça, c'est pas. Il n'y a pas de cas où c'est comme, ah ben je vais retourner me coucher, puis là demain il va être prêt parce que ça prend deux jours, tu sais. C'est un peu plus comme organique. Ouais, je trouve ça comme des vraies tomates. C'est plus granulaire, puis c'est ça, c'est pas comme tu te lèves le matin, puis l'état de ton jardin va être le même jusqu'à ce que tu te couches, tu sais. C'est ça. Quand tu te lèves le matin, ça se peut que ça pousse dans la journée, fait que c'est tout le temps pertinent de retourner à ta. T'as plus souvent de quoi à faire, je trouve, au lieu de juste comme. Mm. Tout le jardinage en se levant. Et après ça, plus de jardinage. Ouais. Ouais. Ouais, ça, ouais parce que ça évolue pendant la journée. Tu sais, t'as des mauvaises herbes qui peuvent avoir poussé pendant la journée. T'as aussi. Des trucs comme ça. Fait que, tu sais, mettons, t'es dans le village, puis là, t'es comme, tu sais, ah, ben, j'ai pas mal ce que je veux. Je vais retourner voir de quoi mon jardin a l'air. Puis là, tu retournes chez vous, tu vois ton jardin. Puis aussi, les déplacements sont bien moins chiants que dans Stardew Valley parce qu'il y a bien moins de surface à couvrir en marchant. Fait que, tu sais, tu peux facilement faire plein d'allers-retours, puis c'est pas juste comme, tu sais, mettons, dans Stardew Valley, tu t'en vas acheter quelque chose, tu sais, si tu t'en vas, mettons, au forgeron, là, la moitié du chemin, tu réalises qu'il te manque le matériel que t'avais besoin pour forger, là. C'est juste comme, ah, tabarouette. Ça me perd la moitié de ta journée. Ouais. Et ben, c'est comme, ah, c'est beau, j'irai pas, ou... Mm. Tu sais, puis c'est comme, tu calcules ce que tu fais en fonction de tes déplacements, parce que comme dans ta journée, tu peux pas faire deux allers-retours au forgeron, mettons. Fait que comme si tu rates ta chute, puis comme, tu sais, tout est un peu un casse-tête à optimiser puis à faire comme il faut, alors que dans Oublette, c'est pas mal plus chill de, ben, je suis là, je peux faire ça. Ah, j'ai plus rien à faire, je vais aller là. Ah, je vais aller voir là-bas si jamais il y a ça. Au pire, si tu veux faire un hit and run, tu prends une petite shot de café, tu cours plus vite, puis piou, on va voir l'autre bout de la ville si on oublie quelque chose. Puis il y a comme un NPC qui donne je sais pas comment de café, en fait, là, fait que comme j'en ai tout le temps. Je sais même pas encore comment fabriquer, puis j'en ai tout le temps plein. Mais j'en bois pas. Non? Soit j'ai revends, parce qu'avant, je manquais d'argent. Ah ouais, ça vaut cher. Ouais, c'est ça, ça vaut cher. J'en ai jamais bu, j'ai revends ou il y a des quests qui en nécessitent. Ah, ok. Sinon, il y a tous les trucs pour faire du bait pour aller pêcher, là, que j'ai comme réalisé qu'il y a des affaires qui valent vraiment beaucoup, beaucoup d'unités de recyclage, fait que... Des fois, ça... Mais encore là, tu sais, ça pourrait vouloir de l'argent, là, fait que ça, c'est tout... Ça dépend de quoi t'as besoin, là. On se demandait qu'est-ce qu'il pourrait améliorer là, dans le bêta, dans le early access. Là. La pêche est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qu'ils voulaient faire un minigame. Ouais. Ils ont pas fait de minigame. Fait que là, c'est juste comme, je veux pêcher. Ok, tu prends quelle bête? Celui-là. T'as pêché ça. Je veux pêcher. Ok, tu prends quelle bête? Celui-là. T'as pêché ça. Ça en boucle, genre, pendant comme 12 fois mm-hmm. en une journée. C'est pénible. Ça, j'ai l'impression que c'est comme qu'il va y avoir quelque chose là. Parce qu'on dirait qu'il y a comme un trou là où t'attends qu'il y ait quelque chose qui morde là. Fait que mm-hmm. ouais, j'ai l'impression que c'est juste quelque chose de pas prêt. Là. Soit ça va être comme Animal Crossing ou est-ce que c'est juste comme tu sais, faut que tu cliques au moment où ça sort ou quelque chose, tu sais, au moment où ça shake ou quelque chose du genre, mm-hmm. ou si c'est quelque chose de plus avancé à la Stardew Valley, etc. ou même. Faut que tu brennes soif ton poisson. Ah, oui! Je serais pas contre! Ouais, ça serait fou. Ou avec des houblettes spéciaux ou quelque chose comme ouais, ça. Comme helper. Ouais. Ça serait fou. Faut que t'aies un crew de dancers derrière toi pendant que tu pêches. Uh-huh. De dancers aquatiques. Fait que t'as des houblettes spéciaux que tu fais danser, puis là, s'ils dansent bien, tu pêches mieux. Sauf faut pas qu'il fasse de bruit. Ouais, c'est ça. Faut qu'il danse en silence. Sans silencieux, les houblettes, en fait. Quand même, hein, ouais, font-tu du bruit? C'est, ouais, en fait, ça, c'est le truc que j'étais comme... Ça file un peu vide. C'est comme, j'ai un houblette, j'ai un autre houblette, je le sens pas. Comme, il manque de présence, un peu. Puis ça, c'est de l'audio, c'est sûr. Mais ils sont pas... ouais, mettons, ils ont moins une personnalité définie que des Pokémon, justement, parce qu'ils sont... Le design est plus simple, ils sont tous à peu près la même taille, tu sais, ils rentrent à peu près tous dans le même canevas, là. Fait que, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être pas tant le but du jeu aussi. Je sais pas. Ben là, ça s'appelle pas comme farming ou pêching, ça s'appelle houblette. Mais c'est pas... Je sais pas, y'a-tu un moment où ils réfèrent aux houblettes comme tes amis, genre? Si tes amis, c'est les autres humains, et tes houblettes, ils, t'sais, comme... C'est plus comme un animal de compagnie, genre. Des esclaves. Ouais, un peu, mais comme... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être plus comme... des animaux de compagnie que genre un ami avec qui tu parles puis tu communiques puis tu comprends. Puis ils filent pas comme intelligents ou capables. Non. Comme ils ont vraiment juste l'air d'être capables d'effectuer des tâches simples. Ouais, puis c'est vrai, les humains les comprennent pas nécessairement tant que ça aussi parce qu'ils, tu sais, ils disent juste, on sait, tu sais, ils expliquent que les dance battles, ils sont comme, ben, on sait pas trop, on sait juste que toutes les houblettes aiment danser. C'est tout, là. Tu sais, il y a pas comme un professeur Oak dans Pokémon, il y a pas eu un biologiste qui est comme, je comprends le comportement houblette. Peut-être plus tard, là, mais pour l'instant, c'est genre, comme, ils sont fins, là. Par contre, il y a de la politique un peu, parce qu'il y a une des... tu sais, celle qui est comme hippie, là, elle a l'air de vouloir... Tu sais, celle qui est comme... Ouais, le genre, elle allait faire des randonnées en forêt, là. Je suis avec elle. Ah, ouais. Ouais, elle est pro-libération des houblettes. Elle a l'air de vouloir libérer. Ouais. Mais je sais pas si c'est juste comme pour y donner du flavor ou s'il y a quelque chose. Mais c'est ça, je me demande, c'est-tu juste pour donner du flavor au personnage qu'elle va tout le temps être genre contre la culture puis contre l'aliénation de quoi que ce soit, ou si c'est effectivement parce qu'il y a comme... il y a comme une couche en dessous de genre... Les houblettes sont nos esclaves. Man. Surtout quand t'as une ferme, oublie ça. J'ai bien choisi ma maison, ça veut dire. Les plus gros esclavagistes de houblettes, là, les gens qui ont pas de ferme, ils font pas travailler. Mais tu sais, tout le monde a juste un ou deux houblettes. Puis ouais. Là, toi, t'arrives, puis comme t'es de nouveau en ville, puis après comme 2 heures de jeu, t'en as 12. Puis ils te suivent partout. Là. Mais tu sais, c'est pas d'avoir jusqu'à 8 qui te suivent comme une petite ribambelle. Ouais. Ça, c'est un peu drôle, mais si c'est... Ouais, l'animation aussi, quand tu te couches, puis qu'ils sont juste tout ensemble, ouais. En demi-cercle autour de ton lit, là, ça, c'est vraiment awkward. Mais ça, t'as-tu vu, il y a un dialogue, il y a un personnage qui parle, qui le dit, pour ça. Pour vrai? Et comme, ça me met un peu mal à l'aise quand je me réveille le matin, j'ai l'impression qu'ils ont passé leur nuit à me regarder dormir. C'est le doute dans le magasin, là, qui est le magasin de vêtements. Charles? Je connais pas les noms. Il y a déjà l'air comme super théorie du complot paranoïaque, là. Ouais. Lui, je comprends pas. Tous les petits bouts de papier dans son magasin, je comprends pas, ils servent à quoi? Je pense pas qu'ils servent à rien pour l'instant. OK. Parce qu'ils s'accumulent pas nulle part. Non, tu fais juste les lire, c'est ça. J'ai comme fini par arrêter de les lire, là. C'est du storytelling. Ouais, mais ça dit fuck off. Ben ça, c'est comme les messages sur le banc de parc aussi. Ah, mais ça, c'est du storytelling, là. Ça, j'ai l'impression que ça veut... C'est drôle. Ouais, ça, c'est pas pire, là. Parce que ça réagit à ce que tu fais un peu, puis... Ou en tout cas, du moins, ta présence, là. Bon. On va laisser des surprises aux gens qui vont jouer le jeu. Ah, ben c'est vrai, juste, ouais, comme pour mot de la fin, tu disais, comme, ça vaut-tu la peine de l'acheter? Mot de la fin, yes. Ouais, mot de la fin. Mais c'est ça, puis pour laisser des surprises aux gens, mais dans le fond, moi, je le recommande pas à tout le monde dans l'état qui est là, tu sais. Je le recommande aux gens qui vont triper, parce que c'est leur jam dans l'état qui est là. Mais, tu sais, je vais attendre qu'il soit sorti avant de voir si, comme... C'est-tu le temps de recommander ça à toutes les gens qui ont joué à Stardew Valley, puis ou qui trippent sur, genre, les petits bonhommes qui ben, puis à 9$, avec le coupon... Tu le recommandes-tu? Ça fait du bien, ça. Ouais, ça, ouais, là. Mais c'est pas tout le monde qui le coupe. Ça fait du bien. Ouais. Quand même, ce jeu-là fait du bien. Si t'as besoin d'un... Ouais. Pas pour tout le monde, mais... Il y a du monde que c'est pas leur jam, là. Tu genre, ça, je comprends, là. Ouais. Tu sais, parce que ça se recommande un jeu, tu sais. Tu dis genre, ce jeu-là, il est broken. Quand tu vas jouer beaucoup à Money, tu vas frapper le mur, puis là, tu vas faire comme genre. Mais comme, le chemin pour te rendre là, il est nice. Juste ça, ça vaut à peine. Ça vaut 9$, ça vaut 20$. Ah oui, comme, moi, je sais pas, je regrette. Des jeux moins. J'ai déjà payé bien plus cher pour des jeux comme 5 fois moins longs que ce que vous décrivez là. Ah oh, ouais. J'ai zéro problème avec ça. Ton cœur, ce jeu-là. Oui. C'est pas pour fait tout que le monde, mais. Faut juste, je pense qu'il faut c'est correct de le dire. Comme ça met vos attentes. Comme ben, tout le monde, voici vos attentes. Mettez-les pas là, mettez-les là. C'est un très early access. Si jamais il n'y a pas d'update. Parce que j'ai l'impression que ce jeu-là, ça se peut qu'il sorte pas officiellement avant des années. Oh, comme il y en a beaucoup là, des jeux qui sont encore en early access après 5 ans. Fait que là, si tu te dis genre, oh, mais là, je vais attendre avant de le recommander qu'il soit plus en early access. Ça va prendre du temps. Et là, je me rends compte que ma tête bouge comme la fille qui parle. Ah, mais les hotfix, je suis rendu sur le Discord, là, les hotfix, ça n'arrête pas. Là. Ah, bon, mais ben, peut-être que ça va arriver vite de mort, je sais pas. Fait que, je sais pas, ça c'était ton mot de la fin. Les autres, avez-vous des mots de la fin? Ah, j'ai un mot de la fin avec... On va le faire en duo avec Blob. Je sais pas, ben, moins que Blob, t'avais quelque chose à dire, là, mais... Moi, j'ai joué à Sky cette semaine avec Blob. Ah, oh, moi, j'ai joué à Sky avec Naf cette semaine. Oh, yeah! On est en dîner au travail. Chacun, on est comme, oh, faire un petit bout de Sky. Ah, il est là. Oh. Ben oui, c'est parce que je reçois... C'est quand tu pars ton jeu, j'imagine que tu vas faire tes constellations. Mm. Puis là, ça m'envoie une notification, genre, Blob t'a envoyé une affaire. Puis je suis comme, ah, oh, ça veut dire que Blob est dans le jeu. Fait que là, j'ouvre mon jeu. Bon, des fois, je suis pas assez rapide, j'ouvre mon jeu, puis là, t'es plus là, fait que... Ça, c'est pas ouais, ce que je dérape trop. Pas rare que je l'ouvre juste pour, comme, 10 minutes, là. Ouais, bon. Puis, ben, souvent, je l'ouvre juste 10 minutes parce que j'ai quoi que je vais faire vite, fait que j'aurais, comme, pas le temps de juste zigonner. Je suis ouais, comme, oh, shit, je veux ramasser des chandelles, vite. Yep. Fait que c'était nos mots de la fin. Je sais pas, les deux autres, je sais, Anne-Marie, Camille, avez-vous des petits mots de la fin, vite, vite? On a quand même bien busté le 10h. Moi, je l'ai fait. Cute. Ça me fait du bien. Oui. Ah. Ce qui compte, c'est ça qui est important. Tu le mérites. Moi, une de mes meilleures expériences vidéoludiques reste encore Succulent Drive USA. What? Fait un vidéo de ça et c'est un jeu qui m'a duré 10 minutes de fun qui ont tous été capturés en vidéo. Vous pouvez aller le voir sur le compte de On a juste une vie, chercher Narf joue à Succulent Drive USA, meilleur jeu de l'univers. Ouais, on va mettre des gros guillemets là-dessus. Fait que c'est ce qui termine cet épisode de On a juste une vie. Alors, si vous voulez plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. On est sur Apple Podcasts, YouTube, Twitch et autres applications de podcasts. Dans le fond, vous pouvez juste pogner notre site web, onajusteunevie.ca. Vous prenez juste le lien, vous dompez ça dans votre lecteur de podcasts. Normalement, il devrait être capable automatiquement de trouver genre le feed puis de le faire tout seul. Ça, c'est la joie de notre nouveau site web qui utilise WordPress. En tout cas, c'est supposé marcher, là. C'est peut-être que ça marche pas, mais bon, tant pis. Si vous faites ça puis que vous allez sur votre plateforme, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou un pouce, là, puis là, ça va comme nous donner de la visibilité, puis là, on va comme genre, what? On a doublé d'auditeurs, on en a maintenant 2, fait que là, on a plus juste... On peut plus dire on a juste une vue. Parce que là, on en a comme 2 sur YouTube. What? Vous pouvez nous envoyer des emails, évidemment, info@onajusteunevie.ca. Merci les gens qui étaient dans le chat. Il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est tranquille. On a pu parler pendant très longtemps de bouffe et de oublettes. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait personne qui ont fait genre comme « Quoi? Ça fait 45 minutes qu'ils parlent de bouffe? Fuck this shit! » Merci à mes collègues amis gentils. Camille, Anne-Marie et Blob. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie! Weed Eater à batterie, c'est pas pire pantoute, parce que c'est très léger, puis c'est fait pour être Weed Eater agile comme appareil. Agile. Fait que de ne pas avoir de fil, ça fait que tu peux aller comme partout, partout, partout. Mm. Puis... Ah oui, sauf que là, t'es obligé de demander la permission à chaque fois, là. Ben... Puis là, si Gilles a besoin de son Weed Eater, ben là, tu peux pas y emprunter. Non, mais le Weed Eater chez nous, il a jamais eu une corde parce qu'il était à gaz, là. Moi, j'allais faire une joke de Scrum. Genre... Et oui! Mais comme moi, quand on parle de Scrum pis d'Agile, moi, je pense tout le temps que c'est comme... Je sais, c'est comme dans le contexte, là, le Weed Eater est Agile, pis là, j'en allais faire comme... Tu sais, ah, vous faites un daily à tous les matins ou quelque chose du genre. Pour ça, quand tu l'utilises à tous les matins, c'est toi pis ton Weed Eater pis tes stand-up. Passes-tu le Weed Eater assis, toi? Puis là, tout le monde est comme genre, de quoi est-ce qu'ils parlent, eux autres? Ouais, en tout cas.